Hit US. Numéro 1. C'est le son qui cartonne le plus en ce moment au States. Any pain. Le son qui est classé numéro 1 cette semaine dans le 8 US, comme la semaine dernière d'ailleurs, ça bouge pas pour The Weeknd et Daft Punk sur Skyrock. Des Français en tête aux États-Unis. Ouais, pas souvent. Il y a deux Français et un Canadien. Ouais. Voilà, donc ouais, effectivement, tu as raison. Des Français classés numéro 1 aux États-Unis. Et c'était numéro 1 ce matin dans le 8 Skyrock et numéro 1 ce soir dans le 8 US. Et j'ai envie de dire, ça marche pour The Weeknd et les Daft Punk. Ok, feront-ils un nouveau doublé? On le saura dimanche prochain. Hit Skyrock, dimanche matin, 10h midi avec Maxime. Et toi, Steph, rendez-vous dimanche prochain à partir de 20h. Tu seras là pour un tout nouveau Hit US. La nouvelle révélation, comme tous les dimanches, entre 20h et 21h. Et puis là, c'est parti. Tiens, il y a du foot là. Hein. Ouais. Je suis en train de mater. Il y a des papiers qui partent sur la tête du joueur. Ah. C'est un gros match hein. Entre l'OL, les Lyonnais et Saint-Etienne. C'est pas un match facile hein. Généralement. Vont-ils se réconcilier ce soir? Des bisous. C'est pas certain. Je suis pas sûr non plus. Bon, peut-être des buts et c'est ce soir dans la spéciale en tout cas. On suit ça en direct. Merci Steph. Ciao tout le monde. La spéciale de Tifoul. 21h minuit sur Skyrock. C'est parti, le rencard à pas louper le dimanche soir sur Skyrock. Il y a Diffoul, il y a Romano, il y a la Marie, il y a Samy, il y a Karim, il y a Cédric le Belge. Il y a les meilleurs moments de la radio libre avec au programme ce soir Abdel du 93. Il est casé depuis 4 ans. Il préfère se taper des trans. On aura Thomas, le branleur fou du 66, ou encore Mélanie du 77, qu'on a marre d'être prise pour un plan cul. On aura également Samir de Toulon qui cherche à faire la plus belle des demandes en mariage à sa chérie. On ira dans le problème du mois de Romano. Il y aura aussi un collector de Patrick le Pervers. On en parlait à l'instant, à vivre en direct ce soir. Lyon contre Saint-Etienne. C'est la 10e journée de la Ligue 1 et cette spéciale, on l'attaque direct. On y va. C'est parti. Les familles du double appel. C'est maintenant sur Skyrock. Allô? Aucun des deux n'a appelé l'autre. Ah bah, c'est vous qui avez appelé. Le double appel de Diffoul sur Skyrock. Hein? Vous êtes piraté. J'ai fait des essais, hein, techniques. On va dans le 01 dans un même bâtiment. Très bien. C'est Audrey qui nous a donné. Donc, c'est des voisins. On va dans le 01 chez des, ah bah, chez des voisins. Voilà. Allô? Allô? Allô? Ah. Oui? Oui? Allô? Ah oui, je vous entends mal. Bah, moi aussi. Ah, moi aussi. Mon téléphone marche très mal. Ah bon? Oui. Qui êtes-vous? Allô? Oui. Alors, vous êtes qui? C'est toi, René? Ah non, pas du tout. Ah bah, qui êtes-vous, monsieur? Ben non, mais c'est vous qu'on demandait. Pourquoi? Ben, je sais pas. Ben, c'est vous qui m'appelez. Mais non, monsieur, c'est vous qui avez sonné. Ah, pas du tout. Ah ben si, monsieur, ça a sonné chez moi. C'est pour ça que j'ai répondu. Ah ben, moi, je viens de répondre à un coup de téléphone qu'on m'a donné. Ah ben, écoutez, monsieur, c'est ben, moi, ça a sonné. C'est pour ça que j'ai décroché. Sinon, je décroche pas d'habitude. Eh ben, moi aussi, c'est pareil. Et puis là, j'ai été surpris. Ben, moi aussi, si j'ai décroché. Oh là, vous avez des chevaux? Ah, pas du tout, non. Bon, écoutez, les chevaux qui... Non, mais à mon avis, il y a eu une erreur de téléphone. Il y a un autre qui est sur la liste, hein, qui est sur le fil. Ah oui, parce que... Oui, mais j'ai pas chevaux qui sont à la télé. Mais écoutez, monsieur, j'entends les chevaux qui hurlent, alors... Ben oui, mais c'est pas chez moi. Mais écoutez, je ne sais pas, alors voyez, je ne sais pas, on a pas, deux autres personnes sur la ligne. Mais écoutez, je ne sais pas, alors on m'a appelé, j'ai répondu, vous voyez. Que... Allez, au revoir. Allez, au revoir, monsieur, au revoir. Voilà. Voilà, regarde, ben, c'était mignon. Moi, je les ai trouvés mignons. J'ai des chevaux. Ils étaient mignons tout à l'heure. Mais j'adore la phrase, c'est de la femme. Ah, j'ai un téléphone, mais d'habitude, je ne décroche pas. Mais ça sert à quoi d'avoir le téléphone? Ouais, c'est clair. Eh bien, ça ne sert à rien. Bah, et là, heureusement pour nous, elle a décroché. Bah, exceptionnellement, j'ai décroché. Et il y a des chevaux. Ouais, j'entends des chevaux derrière. Moi aussi, j'entends des... Tu peux pas les rappeler? Ouais, vas-y, on va essayer. Ouais. Pour une fois, on a un bon contact. Bon, ouais, bah, vous avez des chevaux. Ouais, ils étaient sympas tous les deux. Oui, ils étaient sympas. Donc on est dans le 01 là, ouais, ce soir. C'est toi, René? C'est toi, René? Elle s'habille sympa, la dame. Alors, René, c'est toi? Allô? Allô, oui? Ah. Oui? Ah ben, c'est toujours pareil? Mais qu'est-ce qui est au téléphone? Allô? Oui, qui est au téléphone? Ben, c'est le monsieur que vous avez eu tout à l'heure. Mais enfin, ça sonne chez moi, pour quelle raison? Moi aussi, on vient de m'appeler. Mais moi aussi, ça sonne chez moi, voyez. Vous êtes où, vous? Dans quelle région? À Villarézon. Dimanche à Birieux. Ah ben, c'est un peu fort, ça. Eh ben oui, ça sonne chez moi. Eh ben, il y a une personne qui appelle, hein. Mais il doit y avoir un problème sur la ligne. On doit être mis en... Oui, moi, je suis monsieur de Villard. Vous entendez les chevaux? Oui, ah ben oui, je les entends, oui. Alors, qu'est-ce que c'est, ça? Des chevaux. Mais j'en sais rien. Mais moi non plus, oui. Et vous êtes de Birieux? Moi, je suis à Birieux, oui. Mais moi, j'habite juste en face. Je suis au vers le parc ornithologique, monsieur. Monsieur. Oh là là. Moi, je suis madame. Madame? Ouais, ben moi, je... Vers le parc, là-bas, vous êtes? Comment? Vous êtes vers le parc? Oui. C'est pas vous qui vendez les saucissons? Non, c'est mon oncle. Sur le marché, à Villard. Ouais, c'est mon neveu. Oui, c'est votre neveu, oui. Mon cousin Germain. Oula. Salut les filles. Ben oui, mais moi je me sers là-bas, c'est vous ça, monsieur. Mais oui, on entend une personne qui parle en même temps que nous. Ben oui, mais on n'entend rien, on n'entend que les chevaux. Ouais, ben moi j'entends parler quelqu'un. Écoutez, monsieur, bon, mais écoutez, on va raccrocher, puis moi je ne décroche plus, là. On va raccrocher, puis on va laisser faire. Allez, au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Donc ils étaient mignons, ils vont du cochon. Ah ouais. C'est reparti, on enchaîne. Sandra et Christine, on va les découvrir. Ça, j'ai vu le message tout à l'heure, c'est Farah qui nous a laissé le numéro. Ouais. Merci Farah. Farah du 6-2. Allô? Oui. Allô? Oui. Bah, qui c'est? Ah. Mais c'est qui? C'est vous êtes qui? Pourquoi? Non mais c'est vous qui nous appelez plus trois, ça fait trois fois. J'entends, j'entends rien. Qui c'est? Vous êtes vraiment des gamins, vous avez rien à faire d'autre au moins. Hey, vous avez perdu, vous êtes raté dans votre vie, c'est un truc de fou quand même. Qui? Mais arrêtez, vous êtes vraiment des gamins, hein. Je voudrais bien savoir qui c'est. Non mais vous foutez de nous ou quoi? Alors en gros, je viens même du temps courir et... Non bah ça y est, c'est enregistré la tête. Non mais vous croyez très intelligent, c'est un truc de fou quand même, hein. Comment? Non, c'est moi je comprends rien à votre histoire, c'est vous qui cherchez, hein. Vous foutez pas de ma gueule, là, par hasard? Non mais vous nous prenez... Hey, vous êtes cru, on était bêtes ou quoi? On foutait pas de compagnie. Ah bah non. Parce que je suis en famille et le téléphone, j'ai pas appelé, hein. Ah. Le caca, c'est bon. Comment? N'importe quoi, là. L'intelligence, ça déborde, en tout cas, chez vous, hein. T'es avec ton copain, là? Bah, dites-moi, vous êtes qui, puis après, je vous passerai, si vous voulez. Bah, mon mari n'est même pas là. Mange-toi un peu, là. Très intelligent. Très. Bah, là, c'est la mère, là. Je vois n'importe quoi, là, ce que vous dites, là. J'espère que vous amusez bien, hein. Là, je suis en train de me branler bien comme il faut, là. Vous n'avez rien à branler, bah, moi aussi. Absolument. Absolument, oui. Moi, je suis Patrick. Hein. Ah, merde, t'es parti aussi. Ah, putain, mais l'autre, elle ne comprenait rien. Super, j'adore. Tu sais, Romano, quand il comprend rien, c'est ce que je préfère. C'est la spéciale du dimanche soir avec le meilleur de Difool sur Skyrock. C'est là, Samir? Ouais, je suis là. En direct de Toulon, et t'as 25 ans, Samir. C'est ça. Et t'as une question à poser, bon, à nous, et puis surtout à tous les auditeurs, parce que vous avez plus de cerveau que nous. Hein. Ouais. Enfin, vous êtes plus, c'est pour ça. Ouais, c'est ça, exactement. On a des cerveaux qui marchent très bien, énormes. Donc, une question à poser aux auditeurs de Sky, aux auditrices aussi, pour un truc romantique. Alors. C'est ça, en fait, voilà. Donc, je vous explique. Donc, ça fait 4 ans que je suis avec ma copine. Oui. Et là, dans 20 jours, c'est son anniversaire. Oui. Et j'ai envie de lui faire un cadeau, mais vraiment, vraiment un vrai cadeau, tu vois. Mmh. Et limite, j'ai même envie de la demander en mariage ce jour-là. Ah ouais? Bah. Beau gosse. Mais tu vois le truc basique, je l'invite à un restaurant avec une rose et une bague. Déconne pas, Samir, tu vas pas te marier. Ça y est, je suis en âge de me marier, 25 ans. T'es sûr? Ah ouais, t'es sûr. Non, mais Samir, faut pas faire ça. Elle va kiffer ta meuf. Non, mais ça y est, tu vois, il faut. Et tu vois, le truc, c'est que je voulais te demander s'il n'y a pas des plans, ville romantique, à part Paris. Venise. Ah oui, tu es de Toulon, donc tu n'as pas trop, ouais, t'as pas envie de monter à Paris, d'accord. Tu vois, une belle ville avec un beau concept, tu vois, parce que, comme je t'ai dit, les demandes basiques, une rose, une bague et un restaurant. C'est un peu donc, en fait, pour vérifier, tu veux la demander en mariage, ça t'en es sûr? Ça, c'est certain. Ah, c'était pas une question, genre, ouais, est-ce que c'est bien de la demander en mariage pour un cadeau d'anniversaire? Donc ben là... oui, voilà, c'est une question aussi, ça peut être une question, mais je pense que ça pourrait faire beau comme cadeau si. Ouais, c'est clair. Alors, parce que voilà, combien de budget? Ouais, ça dépend de ça, ouais. 1003. Ouais, ça va. Romano a un truc à te proposer. Bah, déjà, je prends 1000. Et après, tu vas te faire enculer. Il t'invite à Paris. En Bourgogne, puis tu veux pas aller à Paris. Il te loue la maison de ses parents. Tu fous tes parents chez la grand-mère. Ouais, très bien, on va s'arranger. Une belle maison, 1300 balles. Ah, mais va à Venise. Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais, moi, j'ai pensé à l'Italie, tu vois. Des réactions qui arrivent pour ta demande en mariage. Alors, il y avait plusieurs idées. Regarde. J'aime bien, moi, ça, j'aime bien. Alors, je te lis des messages et après, on prend les réactions. On aura qui au téléphone avec nous? Oh, Johnny. Ah, oui, Johnny, 23 ans à Paris. Va lui chanter, allume le feu. Allume le feu, allez. Allô? Allez, Johnny. Ouais, on va prendre ta réaction et ton témoignage dans un instant. Vous foutez pas de ma gueule avec mon prénom. C'est déjà fait, t'inquiète. Oh, on l'a déjà fait. Oh yeah, rock and roll. Et tes parents, ils t'ont appelé Johnny parce qu'ils étaient fans de Johnny Hallyday? Non, mais c'est parce qu'ils sont cons. Ils ont demandé à mon frère qui avait 6 ans de choisir un prénom. Oh non, donc oh, lui, merde. Il a choisi Johnny. Ah, et ouais. Voilà. Bah, heureusement qu'il t'a pas appelé Pikachu. Hein. Mais ouais, mais pourquoi? Non, mais tu lui en veux, non? Non, ça va. Mais lui, il s'appelle comment? Il a un prénom plus... Céline, mais non, parce qu'il s'appelle Mickaël, lui. Ah oui. En fait, il t'a vraiment choisi un prénom. Il t'a niqué ta life, en fait, un peu. Ah, c'est bizarre à 6 ans de sortir Johnny, quand même. Johnny. Peut-être parce que les parents mettaient du Johnny à la baraque. Je pense qu'il fait un hasard. Ouais, Johnny a l'idée, on va l'appeler. Ouais, Johnny. Champion, mon frère. Champion, Johnny. Putain, t'as de la chance, gros. Heureusement, il a pas dit on va l'appeler Edith Piaf. Oui. T'as appelé Edith. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez? Tu nous expliquer l'idée que t'as pour Samir. Demande en mariage, regarde. Demande en mariage. Ah, il n'a pas ont dit ça, tiens, Blond, 16 ans, qui dit demande un mariage en direct sur Skyrock. Plein qui ont dit ça. Il y avait Azap également qui laissait le message, qui disait exactement la même chose. Même chose pour Généreux. Hein, Généreux, c'est pas toi, Romano, qui envoyait le message. Non, c'est clair et net. Tiens, John Fabiano a vu un truc, une chambre, tu mets des roses dedans, une bague, voilà. Une idée qui peut fonctionner. C'est basique.

Ceux qui aiment leur Mini choisissent Mini Service. Jusqu'au 25 novembre 2016, pour l'entretien et la révision, bénéficiez d'un tarif préférentiel sur une sélection de prestations d'entretien. Valable auprès de nos concessionnaires et réparateurs agréés Mini participant à l'opération. Liste disponible sur Mini.fr. Mini. La spéciale du dimanche soir, le meilleur de Difool. What the fuck? Jusqu'à minuit sur Skyrock. Hey, c'est ça canal. Chacune de nos sorties se fait les mains gâtées. Les grands de ce lien me voient ou veulent engranger. KO2P m'a dit interdit de te mélanger. Passe pas dans ma URI si c'est toi l'étranger. Mes ennemis veulent ma mort mais j'en ai rien à branler. Y'a que le JP qui peut niquer ma santé. Si c'est pour ma daronne je peux crever le monde entier. Torchon dans la tête et ces putains vont danser. Les petits ont des visions. Va gagner l'euro million. Et prendre les mêmes décisions. Oh. On est foncé dans la ville à deux trois. Compte même plus les bitches qu'on a ketchup. Même si tu nous donnes le choix on quittera pas le bendo. Plus c'est money weed et un tas de blame pro. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Laisse-nous mener la vie qu'on veut. Sensé. Mais qui attend, sûrement pas nous. On essaye tout, tu vis sans tenter. Les petits ont des visions. Va gagner l'euro million. Et prendre les mêmes décisions. Oh. On est foncé dans la ville à 2-3 heures. Compte même plus les bitches qu'on a ketchup. Même si tu nous donnes le choix, on quittera pas le bendo. Puis c'est money weed et un tas de blame pro. Laissez-nous mener la vie qu'on veut. Laissez-nous mener la vie qu'on veut. Laissez-nous mener la vie qu'on veut. Laissez-nous mener la vie qu'on veut. On est foncé dans la ville à 2-3 heures. Compte même plus les bitches qu'on a ketchup. Même si tu nous donnes le choix, on quittera pas le bendo. Plus c'est money weed et un tas de blame pro. Laissez-nous mener la vie qu'on veut. Laissez-nous mener la vie qu'on veut. Laissez-nous mener la vie qu'on veut. Laissez-nous mener la vie qu'on veut. Cool. 21h minuit sur Skyrock. Mélanie qui a une grave question à nous poser, on va la prendre en direct tout de suite. Bonjour Mélanie. Salut Mélanie. Salut. Salut les filles. Bonjour. T'es bien accueillie hein. Bah oui, heureusement qu'on vous accueille bien quand même. Bah ouais, sur... Bonjour. Salut Mélanie, bienvenue à toi. T'es dans le 77 toi Mélanie, hein, c'est ça? C'est ça. Tu as une jolie voix, c'est bien. Tu fais quoi dans la vie Mélanie? Je suis étudiante. Étudiante, tu étudies bien? Oui, très bien. Oui, très bien. Bah, c'est mieux. Tu étudies quoi? La médecine. La médecine. Oh putain, bon courage. La médecine. Oh. Bon, très bien, ça se passe bien. T'es en quelle année de médecine Mélanie? En troisième. Oh, bah ça va, t'as passé le plus dur. Putain, mais on dirait, ta voix, on dirait, t'es en train de te faire ken là. Bah, toi, t'es complètement. Non, mais il est complètement dégénéré sexuellement, ce garçon. Karim, il a des problèmes sexuels, t'as une meuf qui lui parle, il a l'impression qu'elle est en train de baiser. Ah, ouais, je sais pas, t'as une loutre. Toi, c'est pas la première fois qu'on me dit que ma voix est. Ouais, t'es une voix chaude un peu. Ouais, ta voix est sexy. Ah bon? Ouais. Ça va être très chaud ce soir, je vous l'ai dit, on a démarré chaud ce soir, ça va être chaud. Ah, ouais, vas-y, parle. Oui. Je suis en train de me masturber sur elle. La voix de l'auditrice m'excite. Je l'ai dit. Tu vois? Oh, ça y est, c'est oui, bah, je vois le message de Charlie qui vient nous envoyer ça, tu vois. Je suis en médecine, je rentre en première, tiens. T'es pas la seule en médecine. Vas-y, continue, parle. Je vais bientôt jouir. Très bien. Merci. Ah bah, super. Merci pour vos messages, quelques petits messages qui arrivent. Mélanie a une voix sensuelle de téléphone rose, nous dit Carmelo. Elle donne envie de me branler, nous dit Eves Jojo. Non, mais les mecs, ça m'excite Jojo. Eminem Beach, cette meuf m'excite trop. Non, mais c'est hallucinant ce que tu déclenches. Je l'ai dit, les gars. Salam, les gars. Waouh, quelle voix, la meuf. Mélanie, elle s'appelle, la meuf, comme tu dis. Mets-la-moi. Je vais faire de la radio aussi. Bah, hésite pas, regarde. Ou du téléphone rose. Antoine, Mélanie, mets-la-moi. Ah, Mélanie, mets-la-moi, petit jeu de mots, ça part. Ah, c'est bien. Bon, alors. Karim, si tu veux, je te vide les couilles, tu vas kiffer. Message des cheveux de Romano à garçon 21 ans. Ah ouais, je vais. Envoie ta photo pour Karim. Merci, parce que tout le monde. Ah ça peut l'intéresser. Je vais gicler sur les cheveux de Romano. Je vais tester quelque chose. Bon, tu vas nous dire, Mélanie. Alors oui, justement, dis-nous. Et c'est un message que tu veux adresser aux gars. Bon, les filles, vous pourrez réagir pour voir si vous êtes du côté de Mélanie ou pas. Donc écoutez bien, les gars. Mélanie veut vous parler ce soir sur Sky. Voilà. En fait, moi, il y a un truc que je comprends pas. C'est les mecs. Ils veulent trop du cul, donc ils sont prêts en fait à vous inventer une relation pour obtenir ce qu'ils veulent. Ah bah pourquoi pas être honnête dès le début, dire carrément écoute, moi je veux du cul. Pourquoi inventer, je vais te dire Mélanie, parce que parfois si t'arrives et que tu dis je veux du cul, la meuf tu la baisses jamais. Ouais, parce, bah, que même, la meuf si elle veut du cul, elle va se dire ouais bah après qu'est-ce qu'il va dire de moi, je vais passer pour une salope, tout ça. Bah alors pourquoi dans ce cas-là, laisser une meuf s'attacher à eux, être prêt à laisser une femme s'attacher à moi, eux. Moi je pense que c'est le meilleur moyen pour la baiser. Enfin pardon, c'est le meilleur moyen pour arriver à tes fins. Mais je voilà, veux dire. Mais vous n'avez pas de cœur alors. Mais si, ah, bien sûr que si, on a du cœur. Mais on a une queue qui est plus forte, plus grosse que le cœur. Et vous pouvez nous dire les gars, qu'est-ce que vous pensez de la question de Mélanie, comment vous analysez tout ça? Non mais c'est vrai que tu peux te tirer avant que l'autre soit complètement... Tu peux te faire tirer, Marie, aussi. Ouais, non mais que la fille soit complètement amoureuse. Ça peut être sympa quand même. Je comprends pas ce que tu dis. J'ai pas compris ce qu'a dit Marie non plus. Manu, est-ce que tu peux traduire? De commencer une relation éventuellement en niquant et puis quand tu tombes amoureux. Mais c'est pas du tout la question, ça, Marie. La question, c'est pourquoi on leur fait croire qu'on est amoureux alors qu'on l'est pas. Bon, et parce que comme tu disais, si on arrive direct, ouais, je vais te niquer, la meuf elle dit non. C'est clair. Ah, pas forcément, hein. Ouais, après, oui, mais bon. Ça, qui veulent ça aussi. Ouais, mais quand même, la majorité, elles vont te dire non, si t'arrives. Après, oui, il y a des meufs, elles ont peur de rien, quoi. Elles veulent la bite. Normal. Pourquoi tu nous dis ça, Mélanie, toi? Parce qu'il t'est arrivé des trucs, c'est. J'ai un peu le faire manquer. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Dis-nous. Maintenant, je suis arrivée à un stade où, voilà. Moi, en fait, le truc, c'est que je préfère un mec qui me dise carrément, écoute, voilà. C'est vrai que ça serait plus simple comme ça. Je veux qu'on couche, moi. Moi, qui décide si oui ou non, mais je préfère qu'elle me cache. Et puis voilà, quoi, prêt à faire une relation de 2-3 mois, faire ça, et puis le lendemain se casser, je trouve que c'est abusé quand même. Bah tu vois, ce problème n'existerait pas si vous couchiez le premier soir. Je suis entièrement d'accord avec Marco sur SMS. Bah, on couche le premier soir, et après la personne elle change. Donc au final, j'ai envie de vous dire... Ça aussi, toi tu fais une généralité, regarde, la personne elle change, ça dépend des gars, parce qu'il y a un gars qui peut coucher le premier soir et tomber amoureux de toi juste après. Hein. Ça arrive. Eh oui. Ben oui. Ah oui, ça arrive. Parce que la personne, elle va vouloir que pour le cul après... Elle va vouloir que pour le cul, non, si elle a eu le cul dès le début, après bon... Il n'y a plus de surprise. Y a plus de surprises, mais si, il y a toujours des surprises dans le cul. Ah, mais au début, t'as des plans cul qui finissent en histoire d'amour aussi. Ah, oui, c'est vrai. On sent vraiment le lover là, qui parle. Hein, c'est sûr. Ah, parce que t'es pas tombé sur le bon, ma chérie. Mélanie, elle se fait juste niquer, elle. Elle qui se barre. Voilà. Ah, peut-être que tu as tombé sur le bon, tu vois. Mais t'es déjà tombé amoureuse d'un gars. Le gars, tu pensais qu'il était amoureux de toi. Et en fait, le gars, il te la faisait à l'envers, c'était juste pour baiser. Par exemple, ma première fois, ouais, c'était ça. Et j'ai attendu longtemps tout ça, et le lendemain, plus de nouvelles, plus rien. Faut pas généraliser, tous les gars ne sont pas des bâtards, nous dit Calvin. Ah, tu vois il m'est arrivé l'inverse, j'étais parti draguer une meuf, je lui avais menti, genre je voulais me poser, et puis c'est elle qui m'a dit qu'elle voulait du sexe, tu vois. Ah, ça arrive aussi dans le sens inverse. Il vaut mieux être franc dans une relation d'amour dès le début. Ouais, mais si t'es franc, par exemple, si t'es parti en soirée avec des potes, et que t'as qu'une envie, c'est de ramener une meuf, mais juste pour baiser. Tu vas pas dire à toutes les meufs que t'as envie de serrer, oui, eh ben écoute, toi je veux te baiser. Non, voilà, tu dis rien. Tout simplement. Bah ouais, mais là tu sors, tu coucheras jamais avec le mec, même si tu préfères qu'on te le dise. Peut-être, s'il me plaît. T'es sûr? Mais non, mais jamais. Ouais, si, les gars. Ah si, les gars, moi ça m'est déjà arrivé. Mais vaut mieux rien dire. Non, moi ça m'est déjà arrivé de tomber sur des meufs, qu'est-ce que tu veux? Moi, tu sais, la meuf, je dis clairement, moi j'ai pas envie de me poser, je veux pas de relation sérieuse. Si tu veux, on ken, si tu veux pas, salam alaikum. Salam alaikum. Et à la fin. Et la meuf, elle répond salam alaikum. Non, même pas. Il y en a qui disent salam, mais il y en a à la fin qui te disent ouais, bah tu sais quoi, en vrai, comme t'es un mec. Non, mais c'est vrai, ça existe. Après, tu la ken. C'est vrai. Moi, ça m'est arrivé. Tu vois, donc il faut de tout pour ça peut arriver à tout le monde. Il y en a qui est direct. Tu vois, par exemple, Mehmet, 15 ans, qui nous fait Mélanie, suce-moi. Comment tu réagirais si tu l'avais en face de toi? De quoi, le mec, il me dit... Bah, il arrive, il vient te voir, il te fait, ouais, je te trouve plutôt mignonne, Mélanie, est-ce que tu vois pas me tuer à vite, s'il te plaît? Bah, si, je le trouve mignon, pourquoi pas? D'accord. Il faut que tu sois bien membré aussi. Ah ouais. Ah, alors, est-ce que tu es bien membré, Mehmet? N'hésite pas à répondre à cette question. Et je filerai peut-être ton numéro à Mélanie, la Mélanie juste derrière. Non, après, bon, il y a aussi des mecs, t'as dû tomber sur des mecs sympas, des mecs cool, des mecs qui voulaient pas que. Qui voulaient pas que baiser, non, Mélanie? T'es pas tombé sur des bâtards? Si. Si. T'as pas de chance. Ah bah, je comprends alors. Je comprends plus ton appel. Donc, dites-nous, les gars, alors vas-y, repose ta question à tous les gars qui nous écoutent, comme ça ils vont pouvoir répondre. Donc, pourquoi inventer des sentiments à une femme juste pour l'avoir dans son lit? Pourquoi inventer? Pourquoi, ne pas être, pourquoi en fait laisser une femme s'attacher? Pourquoi inventer d'un homme? Pourquoi la mitonner? Pourquoi, okay. La question est très claire. Pourquoi mitonner jusqu'à laisser une femme s'attacher à vous? Parce que ça vous procure quoi de savoir? La question elle fait 10 lignes, s'il te plaît. Ok, on a pigé. C'est la spéciale du dimanche soir avec le meilleur de Difool sur Skyrock. What the fuck? T'es là, Flo? Ah, avec ta éclatation. Hein? Ah, c'est pas le passion, sa passion, ouais. Ah, avec ta passion, ouais. Voilà. Alors, ta passion, j'ai dit une passion à la confession intime, c'est dingue, Romano, t'as trouvé en plus. Ah, t'es passionné des camions? Oui. C'est ça. Eh oui, il est passionné des camions. Ah, les camtars, ouais. Quoi. Mais c'est dingue, ça. Comment on peut être? Tu vas me dire, il y a bien des mecs qui sont passionnés par des voitures, par des motos. Les avions aussi. Les avions, pourquoi pas les camions, hein? Ouais, c'est les queues. Bah, moi, je suis né dedans en même temps, donc c'est. T'es né dans un camion? Bah non, peut-être pas quand même, mais... Je sais pas, tu lui déniches. Non, mais ça arrive des fois. Tu sais, il y a des gens, les meufs, elles s'accouchent dans la voiture et tout. Hein. Ouais, ouais. Non, enfin, je suis né dedans. Mon père est chauffeur, donc... Ah, il t'a transmis la passion. Bah, c'est ça. C'est dans vos gènes, dans la famille. Ouais. Ouais. Et donc, passionné par les camions, ça veut dire quoi? C'est que tu vois un camion, tu te jettes dessus? Ouais, bah, quand il y a des camions qui sont quand même pas mal décorés, bah, je leur fais un appel de phare et puis, bah, ils me répondent, quoi. Et là, t'es content? Bah, ouais. Ça se klaxonne, cool, et tout, entre routiers, quoi. Et ouais. Ah ouais, t'es un peu comme le mec, là, qui est passé 50 fois dans Confession Intime, là, le mec qui se mettait sur un parking. Ouais, et ouais. Qui regardait les camions, qui passaient en contrebas sur une voie express ou une autoroute. Il klaxonnait, les camions. Et le mec, il faisait des signes et il était là, ah, c'est Gérard. Et le mec, il faisait un coup de klaxon, mais c'était le plus heureux du monde. Écoutez-le. Non, je suis peut-être pas à ce point-là quand même, mais bah, je vais aux 24 heures du Mans camion aussi. Ah, il y a les 24 heures du Mans camion. Ouais, c'est vrai. Ouais, il y a des courses là-bas et les camions sont bridés à 120, 130. Ah ouais. Ah ouais. Alors, tiens, j'ai l'émission Confession Intime, écoute bien. Écoute. Ah. Il passe ses journées à admirer et filmer les 38 tonnes qui défilent sur la nationale. C'est toi, Flo? Flo, t'as reconnu. Flo, t'as grillé, c'est toi qui es passé dans Confession Intime. Non, Romano. Je bosse aussi en même temps, donc j'essaie de travailler du moins. Bah, t'es routier? J'allais dire, faut que tu fasses routier, ouais. Ah bah oui, c'est nickel pour toi. Bah, tu t'appelles pas Chris, c'est pas ton pseudo? Non. Alors parce que le mec de Confession Intime, c'est Chris. Maintenant, je suis vraiment bien, parce que là, je suis dans mon élément journalier, quotidien. Là, il n'y a plus rien qui m'importe. Ça, c'est ma marque de camion préférée. Là. Oh, que c'est ma marque de camion préférée. Hein. C'est quoi ton camion préféré? C'est Scania? Non, Scania, c'est le Volvo, c'est mieux. Ouais, ouais, Volvo. La Volvo. En général, les habitués, ils savent que je suis ici, quoi. Et il s'est klaxonné, il est content. Non mais vous savez tout le monde le connaît en plus. Non mais vous savez le pire de tout. De quoi? C'est que le mec n'a pas le permis. C'est pas vrai. Ouais, si, ouais, il l'avait pas, ouais. La finalité. Non mais en fait, je crois que le mec il a jamais passé. Bah, si, moi je l'ai le permis, donc ça va. Bah il vaut mieux si t'es routier, ouais, oui. C'est mieux, ouais. Mais moi je voulais demander, est-ce que des fois quand tu vois des beaux camions, tu te prends en photo à côté ou tu leur fais des bisous comme Chris? Non, peut-être moi, en photo à côté peut-être, mais pour des bisous quand même. Ah, tu fais des photos avec les camions? Bah est-ce que tu fais partie du groupe Facebook Les Routiers de la Night? Non, mais par contre, on est 800 chauffeurs, on est 800 chauffeurs sur Facebook, c'est Warananchu. Comment? Warananchu. Warananchu, quoi. Warananchu. Ouais, c'est W-A-R, plus loin A-N, et Anchu, c'est H-E-N-T-C-H-O-U. Si vous êtes fan. Mais c'est quoi, c'est un truc de breton, non? Ouais, c'est routier breton sur Facebook, ouais, on est à peu près 800 et on a tous une plaque sur notre pare-brise. Puis bah, quand on se croise, on se klaxonne. Et les routiers de la night, est-ce qu'ils sont pas plus nombreux? Attends, on va faire la bataille des comptes Facebook. Qu'est-ce qui a le plus de likes? Je vais aller voir les routiers de la night. Ouais. Bah, c'est le comparatif, ouais. Ah, attendez, bougez pas, Chris nous explique sa passion. Mon cœur qui bat. Sérieusement, hein. Bah, écoute, quand on peut faire plaisir, Christian. Ah, putain, quand on peut faire plaisir. Il y a un mec qui lui présente un camion. Ah ouais, mais il kiffe. Ah ouais. J'ai mon cœur qui bat, là, vraiment. Non, mais il voulait monter dedans, il réalise son rêve. Ah oui. J'ai plein d'émotions, Pascal. Ah oui, ça vraiment, j'ai plein d'émotions. Ça te fait pareil quand tu montes dans un camion, t'es tout ému? Oh bah non, mais bon, je vais pas au boulot en reculant, quoi. Ouais, c'est ça, en fait. T'es content, ouais. Bah écoute, c'est mieux. Ah, il vaut mieux, c'est mieux de rouler en marche avant. Eh ben ouais. C'est vrai. Ah, la bonne blague. Ouais, c'est quoi ton adresse Facebook, là? Non, c'est Waranchu. C'est W-A-R. Ouais. Plus loin, A-N. Plus loin, H-E-N-T-C-H-O-U. Vous avez choisi un pseudo. tu as un petit blast. Ah, les gars, désolé, les Waranchu, là. Quoi? Les routiers de la Night, ils sont à plus de 6000. Vous êtes à 761 membres. Allez, les Waranchu, faut les soutenir. Soutenez les Waranchu. Bah, bien sûr que oui. Est-ce que vous faites des partous entre routiers, nous demande Blue? Non, pas vraiment. Non, pas de partout entre routiers, les Blue va être déçus, hein, je pense. Mais par contre, moi, ça m'est arrivé déjà de dégager une gondesse par rapport à mon métier, parce que je suis parlé de camion, et un jour, elle me dit, bah, tu me fais chier avec tes camions, j'ai dit, bah, je vais rouler dessus. Bravo. Je l'ai aplati, la connasse. Est-ce que tu fais des selfie twerker? Selfie trucker, ouais, de temps en temps. Ouais. En fait, c'est un selfie avec un camion. Oui, c'est un selfie voilà. Trucker. Tu lui demandes de sourire. Allez, souris, le Volvo. Oui. Ah ouais, super, ouais. Et là, le Volvo fait. Et il est content. Mais là, t'es dans le captard, là? Ouais, je suis en coupure, ouais. Et t'as quoi comme déco dans ta cabine? Là, pour l'instant, j'ai pas trop de déco. Des fois, ma poêle, obligé. Ouais, le calendrier derrière, ouais. Et est-ce que t'as déjà niqué une prostituée dans ton camion? Non, jamais. Ou un trave? Ou un trave, non. Ou les deux même. Ouais, mec. Et tu trimbales quoi? Par contre, Canelo peut venir. Hein. Ah ouais, donc ça va, t'es ouvert, ouais. C'est bien. Vraiment, ouais. Et tiens, tu nous disais que t'avais eu des problèmes par rapport à une meuf. Est-ce que c'était de ce style-là? Tu choisirais quoi entre moi et un tas de ferraille? Toi dans un tas de ferraille. Et voilà. C'est pas la réponse. Merci, bien répondu, hein. Ah, t'avais ça ou pas, non? Ouais, un peu, ouais. Allez, écoutez la conclusion de l'émission, donc confession intime sur l'amour et des camions. Les nanas, en fait, elles sont jalouses toujours d'une autre fille. Ah bah non, mais moi, c'est d'un camion. Ah bah, te plains pas. Elle est jalouse d'un camion. Si votre meuf est jalouse d'un camion, commencez à vous inquiéter quand même. Ouais, encore après, le mec là, c'est un vrai ouf. Après, c'est un outil de travail. Ouais, non, mais là, le mec dans le reportage, c'est un vrai ouf. Le mec qui passe des journées entières. Mais tu serais blindé, t'aurais plein de sous, toi. Tu t'achèterais des camions? Est-ce que tu t'achèterais plein de camions? Ouais, je me demande, pas plein, mais un, ouais, je m'en achèterais un moi-même, ouais. Mais genre un camion américain, là, les gros, là, ils sont beaux ceux-là. Non, ils sont hors normes en France. Eh ouais, Romano, c'est hors normes en France. Mais des fois, on en voit, alors comment ils font? Bah, ils ont une toute petite remorque derrière, mais sinon, on n'a pas le droit de dépasser 16,50 m. Ah ouais, tu connais tout, toi. Tu vas me dire, c'est ton boulot, c'est bien, hein. Ah, la réglementation. Ah oui, c'est bien. Les camions. C'est ça, c'est la RSE, la réglementation sociale européenne. Ah, Et le midi, est-ce que tu bois du vin rouge à la fontaine dans les restos routiers? Jamais un verre d'alcool quand je conduis. Même une bière en voiture, je conduis pas. Non, mais t'as raison. Moi, clair. Je dis, c'est un truc à la con, les routiers vont peut-être gueuler, mais, tu sais, genre, les routiers, moi, je pense qu'ils devraient être à 0,0, tu sais, ils devraient même pas avoir 0,5. Si non, c'est vrai. Quand il y a un super gros camion et tout, avec la remorque. Ah, ouais, c'est vrai. Tu sais, quand ils se font en l'air, bon. Non, mais c'est vrai que c'est hallucinant dans les routiers. Une fois, j'ai bouffé dans un routier, t'as vraiment la fontaine avant. Non, mais c'est un truc de ouf. En fait, t'as des tonneaux et t'as la formule à volonté. Quoi. Ouais. À savoir, un camion à 90, ça fait 1280 tonnes d'énergie cinétique. Putain, mais toi, t'es un vrai ouf. Tu sais un nombre de trucs, c'est bien, Flo, c'est bien. Et tu trimbales quoi dans ton camion? On a des poulets vivants. Très bien. Ah ouais? Bah, ça nous fait plein d'auditeurs en plus, on les salue d'ailleurs. Mais t'entends quand tu roules, tu les entends? Bah attends. Non, à 90, j'ai pas le temps. Hein. Ouais, t'as 90. J'ai pas le temps. Par contre, ils ferment dans leur gueule, ouais, à 90. Ah, c'était déjà arrivé de t'arrêter, tu sais, d'en sortir un, de le faire griller tranquille. Ah, y en a un qui veut sortir. Non, là, pas vraiment. Ouais, t'as un petit creux, hein, t'as une petite cuisse de poulet, tu l'arraches la jambe, hein. Ah, bah, par contre, si vous allez dans une grosse chaîne, je veux pas dire le. Pour pas faire de pub, ouais, bah, mais sans doute. Si, vas-y, dis. Si vous allez, bah, par exemple, chez McDo, bah, vous en bouffez, quoi. Ah, du poulet, ouais. De tes poulets à toi. Voilà. C'est les poulets du McDo qu'il y a dans, Ah, ça, c'est un coq, ça. Ouais. Qu'il y a dans ton camion. Voilà. Bon, bah, écoute, Scania Power nous dit Lucas Thurman. Bah, non, Scania, c'est tape cul et puis c'est trop fragile. C'est tape cul. De la merde, quoi. Bon, ouais, voilà, c'est de la merde, ouais. Ah, bah écoute, toi t'es Volvo, toi. Bah ouais, voilà. Ouais. Volvo. Bon, bah en tout cas, c'est bien. Non, moi, j'adore les gens passionnés, donc. Ah, mais c'est bien, ouais. Continue. Ouais, puis même dans notre métier, c'est mieux de tout savoir sur nos temps de coupure et savoir, par exemple, l'énergie cinétique d'un camion à 90. Ah, bah ça, je me disais que ce matin, je me suis réveillé, je me suis dit, mais putain, mais c'est quoi l'énergie cinétique d'un camion à 90? Ouais, sérieux. Eh bien, ce soir, je l'ai appris grâce à toi. Merci, Flo. Et tu te fais pas chier de temps en temps au volant? Bah non, parce que je vous écoute le soir et le matin. Bah ouais, comment tu veux qu'il se fasse chier? Voilà. Aucun souci. Logique. Bah t'es super, Flo, on va t'envoyer un t-shirt. Par contre, j'adore écouter Romano, ça c'est... Et voilà. Moi, les routiers sont mes amis. Les routiers sont sympas, Romano. Ah ouais. Hein. Moi, je compte. Mais par contre, votre émission elle devrait durer plus tard que minuit. Hein. Oui, mais après, tu nous tues après. Hein. Faut qu'on dorme entre les deux, nous. Oui, parce que il y a pas de 6h. Donc, mais écoute, c'est gentil comme tout, Flo. La spéciale du dimanche soir, le meilleur de Difool. What the fuck? Jusqu'à minuit sur Skyrock. Avec l'arrivée de Marianne, Marianne qui a une question à poser à Romano, l'économiste en chef de Skyrock. On va retrouver également Mehdi, Mehdi d'Orléans. Rappelez-vous, on l'a eu la semaine dernière. Mehdi d'Orléans, il a 22 ans. Il s'est tapé sa voisine qui en a 35 et 4 enfants. Et il se demandait comment s'en débarrasser. Tout ça juste après le son de Travis Scott qu'on écoute maintenant. C'est Pick Up the Phone. Yeah! Oh yeah! Got my door, pull it off and I'm gone. Then I go up before. Then I roll up, then roll up. Then I'm calling your whore. spécial de Difool. 21h minuit sur Skyrock. Bon, on va prendre des nouvelles de Mehdi qu'on a eu jeudi dernier avec nous dans l'émission. Il nous avait appelé pourquoi, Mehdi? Il avait baisé avec une de ses voisines. C'est la daronne, sa voisine. Ah, qui était tombée amoureuse. Et ouais, il savait pas quoi en faire. Ouais. D'accord, on va voir s'il a suivi nos conseils. Elle avait 4 gosses, non ? Ouais, c'est ça. Mehdi, t'es là, Mehdi ? Oui, je suis là, l'équipe. Elle pue ou pas, la voisine ? Est-ce qu'elle pue la merde, la voisine ? Non, elle sent bon. Non, tant mieux. Elle sent bon. Tant mieux pour toi, tu la niques quand même. C'est ça. Est-ce que tu l'as enculée, d'ailleurs, ta voisine ? Oh non, mais. On parle de pue la merde. Bah, essaye, tu nous diras après, tu nous feras un petit témoignage, tu diras comment ça se passe. Elle voulait. Bon, tu vas nous expliquer où t'en es avec ta voisine. Bah, tu vois, puisque t'es là, explique-nous tout de suite. Alors, comment ça s'est passé ? Pour résumer l'histoire, bon, on l'a résumé, hein. T'es une voisine que tu. C'est une copine de ta mère, en plus, hein. Voilà, c'est ça. Ouais, ce qui est important voisine, dans le témoignage. Donc voilà, c'est la voisine du premier étage. Moi, j'habite au 4. Oui. Et on a couché ensemble, quoi. Oui. Tout simplement. Un jour, elle était à sa fenêtre et elle t'a demandé de venir, c'est ça? Elle m'a appelé, elle m'a dit de monter pour discuter un petit peu avec elle. Ah, et sauf qu'elle s'est attachée, on m'en parle une heure, quoi. Elle s'est attachée à moi et du coup. Ah oui, elle t'appelait elle t'appelait mon homme. Ah non, elle a cherché un daron pour les petits. Elle t'a pas dit mon amour aussi? Non, elle a dit pire, elle a dit mon homme. Mon homme. Ah, mon homme. Le papa de mes enfants. Elle a 23. Ouais, vous avez 12 ans d'écart tous les deux. Et elle a bien 4 gosses, c'est ça ? 4. Ouais, c'est ça. Ouais. Elle a carburé. Et alors, heureux, le nouveau papa? Absolument. Qu'est-ce qu'on t'avait conseillé? On t'avait donné quoi comme conseil? Les enfants. Tu m'as dit, va la voir, et tu lui dis que c'est terminé, quoi. Sauf que ce week-end, je l'ai croisé. Oui. Et je t'ai écouté, et elle m'a menacé. Et de quoi? De dire à ta mère, non? Elle m'a dit clairement, quoi. Elle m'a dit, écoute. Bah, si j'ai envie de croire, bravo, dit fou. Elle m'a dit, tu vas le payer plus cher. Attends, laisse parler Mehdi, je n'ai pas entendu. Attends, j'ai pas compris, Mehdi, ouais. Alors que tu elle dis, dit, pas, tu m'as pas dit, racontais, bravo, dit fou. Pourquoi alors, bravo Difool? Bah parce que moi je vais vous dire, vous n'avez pas compris. Moi je vais vous expliquer. Difool a donné une méthode claquée qui n'a absolument pas fonctionné. Elle n'était pas du tout claquée, ma méthode. Bah si, la preuve. C'est Mehdi qui l'a mal mise en place. Raconte bien. Vas-y, alors Mehdi, alors qu'est-ce qui s'est passé? La meuf, t'as été la voir, tu lui as dit la fameuse méthode de Difool. Ouais, je croisais dans mon Porsche. Je lui ai dit, faut qu'on discute. Elle m'a dit, tu veux parler de quoi? Je veux, faut qu'on discute de tous les deux, quoi. Mm-hmm. Bref, j'étais classé avec elle. J'ai dit, écoute, voilà, on a passé un moment ensemble. Maintenant, voilà. Méthode de Difool. Tu fasses, voilà, c'est ça, tout à fait. Vas-y, moi, je passe la mienne. Attends, bouge. Elle m'a directement répondu. Elle m'a dit, si tu mets une croix à cette petite relation, à ma vie, tu vas le payer très, très cher. Eh ben, bravo, Difool, c'est du tactique. Toi, en même temps, il pouvait pas savoir si c'était une dingue. Ouais, très mauvaise méthode. Qu'est-ce que tu veux qu'elle te fasse payer très, très cher, cette dingue? Bah ouais, elle va faire quoi? Je sais pas du tout. Elle va aller voir ta mère, elle va dire, ouais, il m'a baisé. Elle va aller voir ma mère. Bah, elle va passer pour une salade. C'est vrai, une folle, bah oui. C'est elle qui va passer pour une salade. Bah ouais, tu sais pas vrai, jamais de la vie. Elle est prête à tout, hein. Bien joué, Difool. Ta gueule, au moins, j'ai donné une idée, dis donc. Ah bah, t'aurais mieux fait de fermer ta gueule. J'ai été obligé d'être tampon, quoi. T'es obligé de quoi? D'être tampon, ou non? D'être? J'ai oublié. D'être son cou. Ah ouais, ouais. Mais t'es malade ou quoi? Tu pas. Bah oui. Ah, méfie-toi, elle va t'accuser. Mais bon, si elle est bonne, nique-la de temps en temps. Oui, quoi. Ça peut servir. Ouais, mais si elle est tarée, gros, laisse tomber. Bah, elle est dingue. Bah, de toute façon, ça y est, là, t'as déjà été. Mais en tout cas, les gars, moi, je vous le dis, s'il y a un problème, je vais demander à Difool un conseil. Alors, c'est quoi votre idée maintenant, puisque vous avez tous des idées dans les groupes, vous êtes tous plus intelligents. Ah bah là, il va falloir rattraper ta méthode de merde, effectivement. Ah bah là, ça va être dur, hein, tu sais. Mais tu... Ah, ça va être compliqué là. Mais toi, parce que c'est du. Quelque part, c'est presque du viol, puisqu'elle te oblige à faire l'amour avec toi au final. C'est ça. Faut pas. Ouais, mais esquive-la. Oui, moi je pense que si tu l'esquives, tu la baisses avec plus. Avec le temps, ça va passer, je pense. Bah oui, et puis si elle t'appelle, tu lui réponds pas, si elle te demande, tu lui dis j'ai pas le temps. Hey, voilà. Je vais te dire un truc, Mehdi. Cette nana, elle m'a pas l'air bien farouche. T'as pas un de tes potes qui voudrait bien la niquer? Ouais, c'est ça, voilà. Oh, mais non, tous mes potes veulent la niquer. Tous mes potes. Bah vas-y, fais-la une passe. Bah, je sais pas, essaye d'en présenter un sympa. Ouais, moi je pense que bon, elle est pas regardante. Alors moi j'ai une idée. Si tu as des amis qui sont un peu en chien, n'hésite pas à les mettre en contact avec elle. Peut-être qu'ils auront envie de la baiser, qu'elle sera très contente, la dame. Ah là, où on en est, à voler les méthodes des autres. Ou alors tu lui dis que t'en as parlé à ta mère et que. Enfin, tu vois, qu'elle est au courant, quoi. Ouais. Et puis après, elle va aller voir la mère, elle va lui faire. Bon, bah alors, puisque t'es au courant que ton fils me baise. Voilà, Difool, t'as raison. Mais non, même si elle va le dire à ta mère, tu lui dis, elle est tarée, je la connais même pas, cette dame. Elle est tarée, cette femme. Romano, toi, tu coucherais avec une des amies de ta mère, comme tu nous l'as dit l'autre jour. Ouais, non, pas du tout, mais. On en parlait, si je me rappelle, elle m'a dit. Non, mais je les baiserais pas si tu nous l'avais dit. Est-ce que t'aimerais que ta mère soit au courant ou pas? Ah, mais quelle horreur. Et alors, si elle te menaçait, la dame, genre, tu me baises ou alors je mets ta mère au courant, comment tu réagirais? Enfin, la dame, la granny. La dame. Putain, je la baise un peu. Ah, tu la baiserais quand même un petit peu. Ah ouais, donc tu le ferais. De toute façon, tu la baises une fois, c'est que t'avais envie de la baiser, donc bon, autant la baiser. Après, des fois, ça t'arrive de baiser une meuf, après, tu sais, t'as plus envie de la quitter. Dégoûtée, ouais. Genre, elle te fait un truc comme ça, moi, elle me dégoûte à la meuf. Ouais, ouais, pareil. Elle doit te dégoûter, Mehdi, t'as même plus envie de la baiser. Ça la fout mal quand même. Tu dis que c'est pas vrai. Ah, t'as pas envie de la baiser, Mehdi, maintenant qu'elle t'a fait ça, j'imagine. Franchement, ça me donne pas du tout envie, quoi. Ah ouais, quand t'es forcé. Je te dis, refile-la à un pote. Ouais, et fais très gaffe, il y a Dédé le trucker qui a 27 ans et qui nous dit fais attention parce qu'à force de la baiser, tu risques de la mettre enceinte et après c'est la fin. Ah ouais, putain, ah ouais, là c'est la fin. Cousine. Non mais mets des capotes. Oui, non, mais, sur couvert avec elle, oui. Et il y a Brasa 92 la première fois, j'ai tiré à balle réelle en fait. Ah t'es un ouf quoi. Ah non, mais il faut mettre une capote. T'es un ouf. Et ouais. Ah mais attends. Le lendemain, l'hôtel va venir te voir. Ah bah alors, j'ai une bonne nouvelle, Mehdi. On attend un enfant. Voilà, tu vas être père. Tu vois, c'est mon cinquième. T'imagines? Alors, la prochaine fois, je mets le silencieux. Si ta mère, elle était au courant, Mehdi, ça te dérangerait? Comment elle réagirait, ta mère, toi? À fond, on va être génie. Puis après, on va limite, on me fout à la porte, quoi. C'est chaud. Mais c'est une bonne copine à elle, c'est une super copine. C'est la voisine. C'est la voisine, mais elle se voit régulièrement ou genre. Tous les jours. Oui, mais bon, c'est quoi? Elle se parle ou c'est genre bonjour sur le palier, tu vois? Elle se parle, bon, ouais, ensemble. Ah merde. Ouais, vous faites confiance ensemble, tout ça. Ouais. T'es dans la merde. Ah oui, ça c'est. Bah, tu t'es foutu dans la merde déjà. Eh oui, c'est la merde. Ouais, non, mais bon, toi à la base, tu l'as niqué. Pour la niquer. Non, mais la meuf. C'est une cassos. Non, mais la meuf, elle avait envie de se faire niquer, t'avais envie de la niquer. Bon, voilà, c'est bien trouvé. Après, il se trouve que la meuf, c'est une timbrée. Bon. Oui. Allô, bonjour. Bonjour, Dounia. Salut, Dounia. T'es en direct d'Argenteuil et t'as 23 ans et t'appelles pour Mehdi, toi, Dounia. C'est ça. T'as entendu cette terrible histoire, il est obligé de baiser la dame, sinon... J'ai entendu la première partie, donc là c'est la suite apparemment. Bah oui, t'as entendu, oui. Malheureusement, mon idée géniale a été mal mise en place par Mehdi. Je t'en veux pas, Mehdi, ouais. Mais bon. Et donc Dounia, qu'est-ce que tu voulais dire à Mehdi, toi? Bah moi je conseille en fait d'aller voir sa mère, tout simplement, ou même les enfants de l'autre vieille, là. Ouais. Et de lui, enfin, bon, elle a 35 ans, c'est pas dire, non plus. Pauvre, oui, bon, voilà, quoi. Et de dire, ouais, elle me harcèle, elle me demande de passer chez lui et tout, c'est trop bizarre. Enfin, voilà, des trucs comme ça, elle va faire passer pour une folle, quoi. Donc, mais d'aller voir les enfants de la dame. Et sa mère, à lui. Mais non. Ah, d'aller voir sa mère, Mehdi va voir sa mère. Sa mère à lui va voir la petite vieille, elle va avoir honte, et puis elle va se cacher, et au pire, elle va inventer, elle va dire comme quoi ils ont couché ensemble, mais elle va pas le croire. Et en même temps, Mehdi va voir les enfants de la meuf pour dire, ta mère, c'est une pute. Oh non. C'est la méthode de Dounia. Bah. Voilà, c'est la merde dans toute la famille, toi. Mais on prend toutes les méthodes, vous en avez d'autres, n'hésitez pas, hein. Parce qu'il y a Asgardien qui nous dit, Mehdi, il est dans la merde. On essaye de le sortir de la merde ce soir. Le caca, c'est bon. Mais comme ça, j'ai déjà foutu. Si c'est lui qui sort les premiers trucs avant, c'est bon. T'as jamais un mec qui t'en fait du chantage pour continuer à sortir avec toi ou à coucher avec toi? Non. Non, malheureusement. Parce que c'est vrai que j'aimerais pas être dans ta position, Mehdi. Ah ouais, c'est l'enfer. Mais écoute, Mehdi, tu as la solution de Dounia. Merci, ouais. Dounia, pour ton coup de fil, hein. N'hésitez pas, faites comme Dounia. Vous nous appelez. On t'envoie le t-shirt collector Skyrock en plus, Dounia. Ok, c'est le cool. Collector, tu seras toute belle avec. Ouais. T'es pas venu pour rien. Bisous, l'équipe. Et Mehdi, écoute, Mehdi, c'est un feuilleton puisqu'on va suivre la suite des aventures. Ah ouais, c'est les feux de l'amour. Tu nous tiens au courant dès qu'il se passe un truc, c'est ça, c'est les feux de l'amour. La dingue. Je rentre ce week-end et on va arriver. Ah ouais, tu rentres ce week-end, l'autre elle va te sauter dessus. En tout cas, ça tirait le pompon, quoi. Non, mais bon, après, elle te fait un sale chantage à la con. Dounia, c'est peut-être un peu rude ce qu'elle a proposé d'en parler aux gosses. Mais bon, au final, c'est rude, ouais. Ah, pourquoi pas. La suite du grand feuilleton très très très vite sur Skyrock. Restez bien là, un feuilleton que vous attendez avec impatience. Les aventures de Mehdi et de la cassos voisine. Yo, c'est la spéciale du dimanche soir avec le meilleur de Default sur Skyrock. What the fuck. Et puis Marianne. Alors Marianne, oui, qu'est-ce qui... Je te mets donc face à face avec Romano, le conseiller financier de Skyrock. Ah, ça fait du bien, les conseils pas chers. Alors Marianne, mais t'as un souci d'ordre financier, mais c'est quoi ton souci? En fait, si tu veux, je suis en CDI depuis un petit moment, ouais. En 35 heures. Ouais, 35. Et en fait, à côté, je travaille, tu vois, genre j'ai des petits contrats à 3 heures, 6 heures, mais en fait, ça fait beaucoup d'heures, en fait. Ouais. Et du coup, en fait, dans la loi, ce que j'ai compris, c'est que t'as pas le droit de dépasser 44 heures. T'as vu ça, Romano? Mais attends, excuse-moi, Marianne, mais les questions qu'on te pose maintenant, tellement que t'es devenu un spécialiste financier, tu vas finir sur BFM Business. Romano. Mais les gars, il va vous dire de la merde. Non, mais ta gueule. Tu vas travailler pour Wall Street Journal. Non, mais bon, franchement, les contrats de travail, c'est pas le truc forcément c'est que je maîtrise le plus. Non, mais vas-y, Marianne, pose-lui la question, Marianne. Vas-y. Non, mais vas-y, dis-moi. Bon, 44 heures, ouais. Ouais, et donc moi je fais plus de 44 heures par semaine en fait, clairement. Et en fait, je voulais savoir qu'est-ce que je risque. Je risque quoi en fait? Ah, c'est la cabane, je crois. La cabane. Ah, le HAPS.

Where do you wanna go? 'Cause if you're down, I'll take it slow. Make you lose control. Taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Dimanche soir, merci d'avoir choisi Skyrock pour terminer le week-end. La spéciale de Difool, les meilleurs moments de la radio libre jusqu'à minuit. Ils se sont affrontés une partie du mois de septembre avant que Cédric se pète l'épaule. Ils se clashaient le soir sur Skyrock. Romano et Cédric le Belge, on a récupéré leur meilleur clash. Ça nous fait un clash inédit, super clash de la drague. Qui va gagner, qui va l'emporter? Les meilleurs clashs de Cédric et Romano, c'est maintenant dans la spéciale de Difool. Attention, attention, ils sont prêts à draguer tout ce qui bouge. Et quand on dit tout, c'est absolument tout. C'est le clash de la drague avec les deux meilleurs séducteurs au monde. T'es prêt? Ouais, moi je suis prêt. Allez. Et je fais un big up à Kev du 65 qui fait partie de la team le Belge. Ce soir il est actif, tranquille, on est là. Il y a, la famille. Y a un nouveau membre depuis lundi. Non, tranquille. Vous savez que j'adore les membres. Ça dépend lesquels. Les gros membres. Allez, Cédric, essaye de faire quelque chose. Nicolas. Donc la méthode du blindé qui a acheté une Ferrari, qui veut faire essayer la Ferrari à la meuf ou au mec qui l'aura au téléphone, c'est toi, Cédric. Allô Cédric. Ouais, bonsoir, comment ça va? Mais c'est qui l'appareil? Vous arrêtez de péter les ronfles là? C'est qui l'appareil? Arrête de péter les ronfles. Bah deux secondes, je me présente, je m'appelle Michel. Michel. Oui. Je suis blindé, et je viens de m'acheter une Ferrari là, je voulais voir ta femme pour lui faire essayer un petit peu. Mais enfin, franchement, à cette heure là, vous avez pas honte. Bah quoi, enfin, je voulais faire. On dirait les communions, enfin, franchement. Oh, franchement, t'es un communion, va. Bah, alors, ça va pas, non? Je voulais passer à la maison. Mais enfin, mon pauvre monsieur. Histoire de. Passez votre route. Bah justement, je vais faire ma route avec ta femme ce soir. Mon pauvre, comment tu t'es fait malmener, quoi. Ah ouais, sans une insulte en plus, le mec. Putain, mais j'avais pas le prénom là aussi. T'as malmené. Non, mais arrêtez, vous avez l'air de communion. De communion, ouais, mon pauvre ami. Arrêtez de me casser les ronfles. Mon pauvre ami, dis donc. Mais t'as pris pour un débile mental. J'aurais bien rappelé lui. En même temps, il a pas tort. Allez, on passe à Romano maintenant. Allez, allô? Oui, c'est qui? Hervé, je te dis. C'est Hervé. Oui? Oui, bonjour, comment tu vas, Hervé? Et qui est à l'appareil? Eh ben, c'est Jean-Louis. Jean-Louis. Mais si, Jean-Louis David. Avec ta femme. Elle vient au salon de temps en temps. Coiffure. Salon de coiffure, Hervé. Non, mais je pense pas, là. Non, mais t'as une femme. Oui. Bon, écoute, ce que je vais faire, c'est que j'ai acheté le nouvel iPhone, l'iPhone 7, là. Et j'aimerais bien voir un peu la résolution des images, tout ça. J'aimerais tester la vidéo et les photos. Ta femme va se mettre nue. Je vais me mettre en elle et on va se filmer. Allez, au revoir, mon... Bah, allez, bah, du con joli. Du con joli, oui. Bah, j'arrive dans 5 minutes, moi. Non, ouais, tu viens et puis je vais te péter la gueule, on va gagner du temps. Ah bah moi, je vais m'occuper de ta femme, par contre. Ouais, c'est ça, abruti, va. Bah, je viens t'as rien dans le sac, t'as que des... T'as pas de couilles. Mais t'es qu'un gros guignol. Mais t'as qu'à venir. Mais t'as qu'à venir, moi, je vais m'occuper de ton cas, espèce d'abruti. Mais je ne veux que ça, c'est venir tout de suite. Oui, bah viens. Je viens. Puisque tu me connais, abruti. Je viens, tu me la suces et je te filme. Là, voilà. Bravo les deux, bravo. Invitation, serrage, bim bam boum. Bah attends, c'est la même chose que sur ton appel. Ah non, moi j'ai un vrai serrage, moi. Allez, c'est pour toi, Romano, Bruno. Donc un rappel. Et puis on va voir ce qui va se passer. Hein. Allez, foireux. Donc ta méthode de j'ai le gland irrité. Ouais, c'est ça. Ah, j'ai trop baisé ce week-end. Et voilà. C'est dégueulasse. Ça m'a irrité. Bah ouais. C'est le dégoût. C'est des trucs qui arrivent. Hein. T'as dû baiser vachement à part ta main, quoi. T'inquiète pas pour moi. Jacques. Jacques. Oui. Oui, bonsoir, comment vas-tu? Eh ben, vous êtes en Java, en bringue? Ah ben, complètement. Attends, tu connais pas la dernière? Non. Il m'en arrive une bien bonne. Ce week-end, j'ai fait l'amour, mais comme un fou. J'ai le gland tout irrité. Ah ben alors, tu sais, il faut tremper ça dans l'eau bénite. Ah oui, ben, tu crois, dans l'eau bénite? J'aurais préféré la tremper dans ta bouche, éventuellement. Oh, t'es dégueulasse, toi. Ouais, ou dans celle de ta femme. Ah non. Ah bah si, je vais passer à la maison, là. Non, non. Ah, si, si, je vais passer dans 5 minutes, Jacques. Non, non, je dors. Ah, bah, attends, tu dors avec une bite dans la bouche, c'est merveilleux. Ouais, ouais, ouais. Ça fait comme une tétine. C'est comme une tête. Ah, eh, Jacques, j'arrive dans 5 minutes, mon chéri. Jacques, c'est endormi. Ah. Jacques. Il y a pas... Jacques. J'ai rien fait, ma gueule. Et lui, il veut que tu te mettes la bite dans l'eau bénite. Ah, ouais, ah, bah, je vais la mettre dans sa bouche, ça sera t'as mieux. T'as fait la bringue? Ouais. Je suis pas sûr. Ah, vous êtes en Java? La Java, ma. La Java, bringue. C'est la Java bleue? Ah, c'est la Java bleue. C'est la Java bleue. Bon, tu fais bleu, verte, comme tu veux, tu sais. Ah, oui, Java, quoi. Bon, bon, c'est dégueulasse. Ah, dégueulasse, complètement. C'est gros dégueulasse. Bon, Jacques, j'arrive avec une bouteille de vin, on boit un petit peu, et hop, tu me la goûtes. Ouais, je t'emmerde, moi. Non. Et voilà, bim. Allô, je viens dans 5 minutes, mon amour. On va copuler comme jamais. Ouais, ouais, ouais, j'y pensais. Ouais, voilà, bah c'est nickel, tu te mets à poil et j'arrive direct dans tes fesses. C'est pas sûr, ça. Allez, salut. Eh ah, ben, à tout de suite. Non. Bisous, hein. Toi, Cédric. Non, je crois pas. Allô. Philippe. Allô, Philippe. Allô. Ah, bonsoir, c'est la femme de Philippe. Oui. Comment ça va, ma belle? Oui, ça va. Eh ah, ben, nickel. Dis-moi, je t'appelle parce que demain, je fais ma rentrée. Et j'ai pas eu le temps d'acheter ma trousse. Donc, je voulais savoir si ce soir, tu pouvais pas me dépanner, histoire de te carrer 2-3 stylos. Pardon? Non, mais c'est quoi ce connerie-là? Bah, je voulais ranger mes stylos. J'ai un stylo 4 couleurs, un stylo à plumes, un crayon de papier aussi. Ouais, allez, allez, vos conneries, à cette heure-ci, c'est pas marrant. Hein. Et puis j'ai mon sexe aussi, si tu veux. Alors, allô? Une gamme. Ah, allô? Oui, oui. Philippe? Philippe? Allô, Philippe? Voilà. Ouais, vas-y, raccroche. Mais attends, pourquoi raccroche? Ça y est, t'abandonnes. On raccroche pas, au nez des gens, Cédric. Ouais. Bah non, mais elle a posé le téléphone. On t'a pas éduqué? Bah si, ouais. Si, on m'a éduqué mieux que toi d'ailleurs. Non, non. Mais là, elle a posé le téléphone, donc ça sert à rien d'attendre. Oh là là là là, mais que c'est va-t-il Patrick. Nous faire? C'est Patrick, c'est pas le même que tout à l'heure. Ah, c'est un autre. Non. Et c'est pas notre Patrick à nous. Ah putain, oh, putain ce serait le temps. Ouais, alors, comment tu vas, la vieille? Ça va et toi? Ah, ça va nickel. Il est là, il est là, Patrick? Non, il est couché. Ah, il est couché. Bah, je vais venir me coucher avec toi un peu, moi. Hey, on va faire l'amour pendant que Patrick il dort. Oh putain. J'arrive dans 5 minutes. J'amène un petit truc à boire. Parce que vu ton état, t'as du tout fini. Hein. La femme à Patrick. Allô. Et bourré. Allô, ma belle. Elle a l'air défoncée, vous trouvez? Bon, il y a plus de tour là. Non, il y a plus de tour. Bon, bah, ouais, on mais du coup ça va. On raccroche et on la rappelle. Ouais, mais ça va pas se occuper. On va voir, on essaye. Hein. Alors, on raccroche. Non, on la rappelle, elle. Suspense. Oui, on va pas rappeler sa sœur, Cédric. Ouais. Oh là, rappelle elle. T'es sûr que Samy t'a pas essayé de faire une magouille là? Non, non, non, je rappelle la même, moi. Tu crois qu'il rappelait quelqu'un d'autre? Non, mais non, t'es complètement parano. Ouais, attends, donne-moi ça, je vais. T'es dans ta paranoïa, man. Allô? Allô? Ouais, comment vas-tu? Bah, ça a coupé. Bah ouais, j'ai fait tomber le téléphone. Ah bah oui, bah ça, évidemment, dans l'état où t'es, ma pauvre. Je vais arriver dans 5 minutes. Ah ouais, du rosé ou du rosé? Bah du rosé, les deux. Les deux. Oh, ouais. Et du blanc, tant qu'on y est. Du blanc. Ah ouais. Ouais, ça c'est bon, ça. On boit un peu et puis après on fera l'amour. T'habites aussi. Bah je suis pas Oula. Oula, oui. Bah je vais venir faire l'amour avec toi avant que tu t'endormes. Ouais, je suis pas sûr, là. À tout de suite, ma chérie. Je crois que t'es en train de tomber. Tout de suite, j'arrive, ma chérie. À la tienne. Hein. À la tienne. Elle est toute contente. Trop cool, je passe à la radio. Hey, on cool. Et alors là, vraiment, et puis ça, on va t'envoyer l'enregistrement. Je pense que tu seras fier de toi quand tu seras net et que tu vas te réécouter. Fais écouter à la famille. Fais écouter ça dimanche. C'est la spéciale du dimanche soir avec le meilleur de Difool sur Skyrock. On dit dimanche le super clash de la drague, les meilleurs clashs de Cédric contre les meilleurs clashs de Romano. C'est parti, top vote, 22h10 tout pile, qui va gagner, qui va l'emporter? Vous envoyez Cédric ou Romano, soit par SMS au 41 7 5 9. Vous pouvez voter depuis l'appli Skyrock en cliquant sur la petite enveloppe qui est tout en haut à droite de l'appli. J'ai des places également à offrir pour aller voir Don't Brief, la maison des ténèbres, pour tous ceux qui vont voter soit sur l'appli Yax, soit sur Twitter en mettant le hashtag la spéciale de Difool, avec le hashtag la spéciale de Difool. Vous votez pour Cédric ou pour Romano et on vous envoie pour aller vos places pour aller voir Don't Brief, la maison des ténèbres, dans le ciné de votre choix et la séance de votre choix. C'est parti, 22h10, 5 minutes pour voter pour Cédric ou Romano. La spéciale qui continue, le retour de Marianne maintenant avec Difool, Romano, la Marie, Momo, Samy, Karim et Cédric le Belge. Bon, on finit avec juste Marianne, oui, parce qu'on a des renseignements pour Marianne. Romano Business a été mis en échec par la non, question non, mais de Marianne. Ça y est, j'ai la réponse. Alors Marianne, il y a une... Ah non, moi je sais aussi, ouais. Alors Marianne, juste ta question en 10 secondes pour ceux qui n'avaient pas entendu tout à l'heure.

Skyrock. Et Mélanie, donc t'as 22 ans, t'es dans 77 et je rappelle ta question, à moins que tu veuilles nous la rappeler. Pourquoi? Non, je... Ouais, bon, bah, vas-y. Vas-y, rappelle. Pour rappelle, rappelle. Je sais pas comment la reformuler. Ah ouais, alors tu veux que je fasse à ta place, c'est vrai, ouais, parce que c'était pas prêt. Mélanie veut savoir pourquoi les mecs sont obligés de mitonner les meufs pour coucher avec elles, genre leur dire ah oh ouais, putain, je t'aime et tout, t'es trop belle, etc., alors qu'ils en pensent pas un mot. Alors, ça, mais je pense que c'est plus de votre faute, les filles. J'ai bien réfléchi à ce que tu posais. Non. Si. Non. J'ai bien réfléchi à la question que tu posais. Et je pense que c'est de votre faute, les filles. Non, mais c'est vrai, Carmelo, il est d'accord. Si on dit direct qu'on veut baiser, on va se faire recal. Voilà. Donc il faut vendre du rêve pour arriver à ses fins. Vendre du rêve. Blow the dream. Yeah. C'était important. Be a dream. Alors, on a, Nicolas, en direct avec nous, qui voulait répondre à ta question. Et plein de gars. Il y a Bad aussi qu'on va retrouver en direct de la Canoë. C'est ceux que t'avais au téléphone? Ouais. Très bien. C'est eux, ouais. Alors, Nico. Oui. Bonjour Nico. Salut Diffon. Salut à toi. Bonjour Bad. Salut. Salut Bad, en direct de la Cano. C'est toi avec les potes. Non, c'est Badr, pas Bad. Badr. Ah, c'est Cédric qui comprend rien. Ouais, mais quel idiot. Ah, c'est Cédric, ouais, c'est pas grave. Ah, c'est beau la Cano. Excuse-le. Donc, parle bien toi. Badr. Donc, et Nicolas. Donc, vous voulez répondre à la question de Mélanie. Qu'est-ce que t'en penses, Badr? Déjà, en même temps, si elle fait la grosse folle aussi, c'est normal. Alors, qu'est-ce que tu entends par... Qu'est-ce que tu entends parce que par si elle fait sa grosse folle? La grosse folle, là. Ouais. Non, c'est que, je sais pas, déjà, si tous les mecs à qui elle parle, oui, ils veulent faire quelque chose avec elle. Bah, c'est qu'elle est mignonne, déjà. Qu'elle a cher... Non, c'est qu'elle non. Cher... Pas forcément, c'est peut-être tout simplement qu'elle est super mignonne. Pourquoi elle aurait cherché? Bah, elle doit être tankée alors comme jamais. Alors, tu es tankée ou t'es pas tankée, Mélanie? Non, je parle normalement. Après, c'est vrai que souvent, on fait référence à ma voix qui est apparemment sexy. Ouais, ça va. Qui ouais. Fait penser à des trucs sexuels. Ouais, non, ça va. Ah, ouais, bah là, on est. Mais... Tu sais qu'on est tous en train de se masturber dans le studio. Oui. Non, mais je vois un peu ce que tu veux dire, Badre. C'est l'image qu'elle dégage, en fait, qui fait que les mecs, ils viennent et ils ont juste envie de la ken. Bah c'est ça, ils ont pas entendu sa voix avant de quand ils ont vu marcher, donc Oui, c'est physique. Bah ouais, c'est physique. C'est physique. Mais tu t'habilles un peu chaudasse, Mélanie? Non, pas du tout. Après, c'est vrai que je suis pulpeuse, mais... Ouais, non, ça, tu peux rien. Je m'habille correct, franchement. Non, non, mais ouais, correct. Parce que tu peux être pulpeuse, t'es pulpeuse de ne pas dire vulgaire, quoi. Non, c'est clair. Après, si, voilà, si t'es très pulpeuse et que tu t'habilles très, très vulgaire, forcément, ça attire les mecs qui veulent te niquer. Par exemple, en soirée, c'est clair que tu attires l'œil. Non, oui, mais je suis pas habillée vulgaire, même en soirée, j'aime pas. Ouais, tu fais attention. Ouais. Après, tu peux être juste super mignonne et être habillée classique, tu peux exciter les mecs ouais, aussi. Tu hein. peux être sexy, ouais, habillée classique. Oui, oui. Il y a Tiffany qui nous dit, ouais, je suis une fille et j'ai des arguments de dingue. Ah, elle veut réagir aussi. Vas-y, appelle-la, appelle-la. Elle répond jamais. Dis-nous quels sont les arguments ou réponds ouais, Tiffany. Réponds ton téléphone, Tiffany. Alors, on va demander à Nico aussi. Alors, Nico, qu'est-ce que tu répondrais à la question de Mélanie? Pourquoi les mecs, ils mentent? Pour pouvoir coucher avec les meufs. Pourquoi, je saurais pas te dire, mais après je suis d'accord avec Karim sur le fait qu'il n'y a même pas besoin de mentir. Aujourd'hui, je pense que les filles, elles s'assument, elles sont assez ouvertes et t'as pas besoin de lui dire je vais t'épouser pour coucher avec elles. Ah oui, parce que s'il faut, ouais, coucher avec. Oh. Ouais, c'est vrai que voilà, s'il faut... si elle a envie de coucher avec toi, au jour d'aujourd'hui, elle aura plus de gêne à aller coucher avec toi sans faire la mijaurée, quoi. Non, mais en fait, les filles, faut pas vous retenir. Si vous avez pas envie de coucher avec le mec, vous lui dites, vas-y, dégage. Ah, Mélanie, je pense que c'est ce qu'il faut faire. En général, pour te recaler, ça, elle sait faire. Ouais, elle sait faire. Ça, pas. Ça y est, pas de soucis. Et si, par contre, si vous avez envie de coucher avec le mec, faut pas se poser de questions. Profitez-en. Le mec, il a envie de coucher, il va prendre son plaisir. Pourquoi vous auriez pas le droit de prendre du plaisir, vous aussi? C'est pas faux. C'est vrai? Mais bon, après, ça blablate, quoi. Ça blablate, quoi. Ah, tu bah, quelquefois, on traite de salope ou machin. Mais bon, oui, bah après t'es pas besoin de le dire à tout le monde. Oui, et puis t'es pas obligé de te faire sauter par l'ensemble de tes connaissances. C'est clair, c'est mieux. Tu sais, si tu baises avec un mec, voilà, et puis que derrière, le mec d'après, il vient complètement hors de la bande de potes, bon. Ouais, oui, ça se fait pas, ouais. Oui, après, une meuf qui couche avec toute la bande de potes, bon, forcément, ça peut jouer un peu sur la réputation. Ça peut jouer un peu sur la réputation. Après, ça peut donner mauvaise image, ça, c'est sûr. Alors. Je voulais dire aussi. Oui, Nico. Et Tifoul, je pense que t'as raison tout à l'heure, c'est un peu de la faute des femmes, parce que comme tu viens de dire, Marie, là, ça blablate, mais c'est vous, entre vous-même, vous dites une telle, c'est une telle, parce qu'elle a couché avec un tel. C'est vrai que souvent ça arrive comme ça, ouais. Bah, c'est bon. Je me sens pas visé, mais bon. Non, mais Marie, ça arrive. Ça arrive. Alors, il y a Abdel qui voudrait absolument te parler, mais juste avant, on a Tiffany, ça y est, on l'a eu. Ah. Tiffany, 18 ans, qui est avec nous. Salut Tiffany. Salut. Salut. Alors, il paraît que tu as des arguments qui déchirent pour répondre à la question de Mélanie. C'est un des arguments qui déchire. Ah, tu as mis ça sur tes messages, moi je te crois. Hein, regarde. Ah oui. Alors? Moi, ce que je veux dire, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, le sexe est devenu vachement trop facile. Mais pourquoi trop facile? Pourquoi on se priverait du sexe? On a un zizi. Enfin, pas toi. Non. Mais on a... Bref, notre zizi, on va faire pipi quand on a envie. On peut faire du sexe si on a envie, qu'une fille a envie en même temps que nous. Bah, si tout le monde est d'accord, oui. Bah oui, faut en profiter. Mais bien sûr, tout à fait. Mais genre, au jour d'aujourd'hui, les filles, elles sont trop dans le monde des films et tout, à croire que ça y est, on va tomber leur cahier par terre. Il y a un beau gosse, ça le ramasser, ça y est, c'est l'amour de leur vie. Ah, tu penses qu'elles s'emballent trop, qu'elles pensent trop que c'est une love story qui démarre tout de suite. Ouais, voilà, ouais. Ah, elles sont des films, quoi. Ouais, en gros, c'est pas parce que le mec, il a envie de les baiser, ou il a envie de baiser, ou il a envie de faire l'amour, comme tu veux, hein, que forcément, le mec va passer sa vie avec vous, et qu'il va être amoureux toute sa vie. Ah oui, bah ça. Ouais, voilà. Ah, tu penses que les filles s'emballent trop? On le sait quand même, hein. Ah, ben, ça dépend. Ouais. Non, mais faut pas être naïf non plus, quoi. Il y a des filles qui s'emballent vite. Il y a des mecs aussi qui s'emballent vite. Ouais, c'est pareil, tu sais, Tiffany. Ah ouais, j'emballe vite, ça sent eux. J'emballe cher, alors. Ouais. Donc toi tu penses que c'est et qu'est-ce qu'il faudrait faire, Tiffany? Faut être franc quand on a envie d'un truc, faut le dire, ou alors faut attendre un peu. Il y a un petit. Si t'es une meuf ou un mec, t'as besoin de tirer ton coup. Tu lui dis, t'es cash, quoi. Tu dis, vois, je vais pas me poser, je veux juste tirer mon coup et voilà. Bah, mais ça, toi, quoi. Ça t'est déjà arrivé, toi, genre tu couches comme ça avec qui veut coucher? Non. Non. Est-ce que t'as un timing? Enfin, genre par exemple, tu rencontres un mec. Tu sais que t'as envie de coucher avec lui, mais tu vas te dire, bah, pas ce soir, parce que c'est le premier soir, donc je vais attendre le deuxième, le troisième, une semaine, un mois, deux mois. Bah ouais, carrément. Et si le mec, il dit vraiment, bah, il attendrait un petit peu, quoi. Bon, tu fais pas galérer 2 ans, tu vois. Mais... Ouais, c'est un peu long. Oui, c'est vrai. Il y aura pas grand chose. Oui, 2 ans, ouais. Il y a quand même de grandes chances qu'il se barre entre temps. Non, mais vas-y, tu le fais attendre combien de temps pour voir? Mais je sais pas, 4-5 mois, quoi. Ah, ben moi, quand même 5 mois, j'attends pas. Ah, ouais, moi non plus. Ah, ouais, c'est bon. Même si tu m'avais dit un mois, je te dis, j'attends pas. Donc, ah, c'est vrai que si le mec reste 4-5 mois, c'est où il est en super galère, il trouve pas une autre meuf, donc il reste avec toi. Bah, ou alors il en nicule à côté. Ou alors il est amoureux, Mais ouais, mais si tu veux vraiment te poser et que le mec il dit que tu en es sûr, ouais, sûr de ses sentiments, c'est ça. Mais ouais, mais je comprends pas comment tu peux. Non mais attends, écoute, comment tu peux dire ouais, je veux me poser avec cette meuf si t'as pas goûté, enfin si t'as pas couché avec elle. Je suis d'accord. Mais bah Marie, oui, évidemment, Marie, elle est d'accord. Marie, te fait ça en 15 minutes le soir. Donc, Marie, elle est capable de tomber amoureuse. Oh, elle est même pas 15 minutes. Marie, elle tombe amoureuse. Non, peut-être pas en 15 minutes. Oui, 10 minutes. 10, 12. Ah. Ouais, non. Maxi. Moi, hein, non, je te dis 10, la vérité. 12. Moi, je vois une meuf qui, au bout de 2-3 fois qu'on se voit, on n'a pas couché ensemble. Pour moi, ben, ça mènera après, ça dépend de l'âge aussi. Hein. Je veux dire, quand t'as 14 ans et que t'en as 20, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà, je parlais dans le cas de figure de Mélanie, tu vois. Mélanie, t'as quel âge? T'as 22, toi, Mélanie. Hein. Ouais. Ouais. Oh, ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Voilà. Ah, voilà, ça. Et Tiffany, t'en as 18, aller, toi. Donc tu laisses, ouais, tu laisses. Bon, 4-5. Moi non, mais bon, si 18 ça te fait du bien d'attendre. Tu laisses, tout. Bah, tu laisses attendre les mecs. Et comme ça te permet de voir si l'histoire est sérieuse. Tu sais, mais il y a pas que les filles qui attendent. Hein. Cédric a déjà attendu 2 ans pour coucher avec une fille. Ah, pardon. Un an et demi pour coucher avec une fille. Mais j'attendrai plus un an et demi. Qu'il l'a fait cocu juste après. Non, pas juste après. Juste après, s'est fait déglinguer. Elle venait en bas de la radio avec son mec. C'est l'histoire qu'on vous racontait. C'est l'histoire d'hier soir, en fait. Exactement. Ouais. Celle qu'on vous racontait hier. Ah, mais c'est pas passé comme ça. Ça va. Bah. En fait, tu l'as dépucelé, elle a trouvé ça à chier, t'es sûr qu'il est par un autre bien comme ça. Elle s'est dit, je ne peux pas rester sur un échec sexuel comme ça. Je pensais que le sexe était bien, faut absolument que j'essaye avec elle. Non, elle a kiffé, au contraire. Ah, avec l'autre, la première. Bah, la première expérience de sa vie. Ah, bah non, puisqu'elle est revenue avec l'autre mec pour te narguer en disant qu'il était. Ouais, mais ça c'était après, c'était la fin de la relation, ça. Bah oui, c'était une semaine après. Ah, ouais. Bah pas une semaine après, t'es gentil. C'était à. Un an, 5 mois et une semaine. Voilà. C'est ça. Bon, mais est-ce que t'as la réponse à ta question, Mélanie? Non, je l'ai toujours pas parce que tu vas peut-être l'avoir. Les mecs qui cherchent des arguments bêtes et faut tout simplement dire, je comprends rien. Bon, attends, bouge pas. Il y en a un qui va t'aider à faire comprendre. Tu vas voir, c'est Abdel du 78. C'est lui qui est chaud là. Ouais, il est chaud bouillant. Salut Abdel. Salut Samy. Ça va Abdel? Ouais, ça va et vous? Ça va pas mal. Salut Abdel. Alors, je tiens quand même à dire que t'as des points communs avec Mélanie. Mélanie, il a le même âge que toi. Vous avez 22 tous les deux. Déjà, ça c'est un signe. Toi, t'es du 77, Mélanie. Lui, il est du 78. C'est un signe aussi. D'accord. Ouais. Et en plus de ça, il est chauffeur, il peut se déplacer très rapidement, il m'a dit. Et en plus de ça, t'es quoi? T'es Uber? Bah, tout simplement, peut-être qu'il y a Rock à son chemin avec mon client. Bonjour, je l'ai déposé à Marne-la-Vallée. Ouais, tu l'as lâché très très vite parce qu'en fait, tu voulais vite nous appeler. Allez, descends d'ici, monsieur. Tu descends, toi, allez, vas-y. Vous avez dit quoi? Non, je dis, tu t'es débarrassé du client et. Voilà, je me suis débarrassé du client. Oh, il est dans mon coffre. Vu que je suis dans le coin, vu que je suis dans 77, je proposais à Mélanie, si elle a rien à faire ce soir. De se faire niquer tranquillement dans la voiture. Comme les hommes cachent. Ah, tu vois, t'as raison, Abdel. Tu nous as dit, les mecs, pourquoi ils tournent toujours autour du pot. Tu vois, Abdel, ouais, lui, au moins. Ils tournent pas autour du pot, je suis là directement. Lui, il rentre dans le pot, lui. Ah, il rentre dedans direct, ouais. Ouais, non, c'est bien. Mais écoute, c'est bien. Je suis rebeu. Est-ce que tu es petit? Après, est-ce que tu dis tout ça à la radio pour amuser les gens ou est-ce que tu parles réellement et tu fais des choses pour rien quoi? Parce qu'Abdel il a grave envie de ken lui. Moi, je parle pas réellement. Bon, ben moi non plus je parle pas pour rien. Sauf que là, honnêtement, j'avoue, là je suis pas dans le 77. C'est pas que je parle chinois et tout, mais je suis pas dans le 77. Bonjour, moi je suis souvent dans le 77 dans tous les cas, donc moi ça me dérange pas. On peut vous mettre en contact tous les deux là si ça vous branche. Bah ouais, pourquoi pas. Si vous baisez ensemble, appelez-nous. Ouais, et faites-nous écouter en direct. Hein. Ouais, bah, bien sûr. Bah attends, ça sera quand même grâce à nous. Hein. Je suis assez pudique. Nous aussi, Abdel, on est très pudique. On ne dira rien à personne. Ça restera entre nous. C'est sûr, ça restera entre nous. Et ouais, toi, tu penses qu'il faut être plutôt cash avec les meufs, Abdel, ou t'es plutôt du genre à leur raconter des espèces de stories d'amour? Non, je vais pas mentir. Je suis dans le contexte qu'a sorti Mélanie. Ça m'arrive souvent de prêcher le faux pour au final avoir ce que je veux. Oui, en gros, tu dis, tu m'étonnes, oh, tu es trop belle. Hein. Vraiment, ouais, tu es la femme de ma vie. Je n'ai jamais vu une fille aussi belle que toi. On fait coup de cheville, on aime une relation, on est sérieux, mais après. C'est pour niquer, oui. Ok. Voilà. Bon, bah écoute, tu vois, tu voulais des garçons francs, ça existe, Mélanie. J'ai juste une petite question, parce que du coup, quand vous dites du coup à la meuf qu'elle est belle et tout. Vous pensez réellement ou c'est vraiment parce que voilà, vous avez juste sa chatte? De toute façon, non, je vais pas parler à une meuf si elle me plaît pas. Hein. Bah oui. Je vais pas aller baiser un pont. Exactement. Non mais c'est bien, t'es franc Abdel. Je trouve ça voilà, je trouve ça bien puisque tu Mélanie, tu reprochais au gars de pas être franc. Toi t'es franc ben parce voilà. Que tu nous dis que parfois tu m'étonnes. Et mais ce soir t'as été super clair au moins avec Mélanie, ça ouais. Je trouve vraiment. Voilà. Et peut-être ouais, tu vas la tienne dans la voiture. C'est bien, c'était même bureau. Romantique. Tu vois Mélanie du romantisme quand vous l'ayez. Ouais, franchement romantique. Mélanie, tu veux lui parler à Abdel ou pas alors? On vous met en contact. Ben ouais, d'accord. Eh ben voilà, on a. Allez, c'est parti. Voilà. Bon. Par contre, attendez, mais est-ce que je peux avoir un petit cadeau quand même? Bah, Abdel, c'est un gros cadeau. Tu vois ce qu'il a dans le slip. Tu aimes bien les petits rebeux? Bah, c'est un petit cadeau rebeux qu'on va t'envoyer. En fait, c'était moi le cadeau, c'est la surprise de toi. Eh ben voilà, la surprise. Tu mets un nœud autour de ta bite, Abdel. Hein. Ok. C'est comme, comme pour un cadeau, tout ça. Tiens, un cadeau. Tu la sors. Bon, bah écoute, Abdel, tu nous donnes des nouvelles. Mélanie, tu nous donnes des nouvelles aussi. On remercie les autres. Tiffany, on te fait un gros bisou. Bisous. Merci de nous avoir appelé, Tiffany. T'es pas jalouse? Tu peux pas rentrer en contact avec Abdel, toi? Non, c'est bon. Parce que Abdel, a priori, il est chaud, lui. Ah ouais, ouais, il est open, tranquille, lui. T'as vu, hein? Et t'as déjà des clientes, puisque tu fais. T'es chauffeur, toi, Abdel, c'est ça? Ouais, je suis chauffeur VTC. T'as déjà ouais. Des clientes qui t'ont dragué ou qui. T'as déjà ken des clientes? Ou qui, plus que ça, d'ailleurs. Ouais, ça m'est déjà arrivé, mais la plupart. Enfin, justement, la plupart des personnes qui draguent, c'est des homos. Alors tu t'es déjà fait draguer par plus de mecs que par... Non, que je me fais draguer que par des mecs. Ah, tu t'es jamais fait draguer par une meuf? Les meufs, c'est nous, on les drague. Non, les meufs, c'est nous, on les drague. Ah, d'accord. Mais dans le monde du VTC, je sais pas, à mon avis, c'est leur fantasme, aux hommes. D'accord, ok, bah ça vous fait des clients, c'est bien. Ah, bon, c'est bien, ouais. Ah ouais, ça fait des clients, mais moi personnellement je suis pas de ce bord là, ça m'intéresse pas trop. Eh bien écoute, on a Mélanie. Ah mais ça va, t'es assis, tu risques rien. Mélanie est une femme. Et en plus t'es assis. Sur ton cul, ouais. Bon, merci à toi Abdel, raccroche pas. Et Mélanie, on te fait un gros bisou. Et okay, on t'envoie le t-shirt sur la maison. Et vous nous tenez au courant de la suite de l'histoire Mélanie, là. Ah ouais. Ouais, on te met en contact avec Mélanie, t'inquiète pas. Vas-y, t'inquiète. Elle est blonde, ou brune. Son sein gauche fait 85A et le droit 95E. Elle n'a que 3 doigts. Elle travaille dans la mode. Enfin, elle est modéliste, quoi. Pamela. Le moment le plus sensuel de l'émission. Allez, c'est parti, on y va pour tes pervers, Pamela. On va voir ce qui se danse du côté de ton répondeur. Ils ont laissé des messages. Qui c'est le premier? Bonjour, homme de 50 ans, désirant se faire sucer en toute discrétion. Voilà. J'en reçois 06 72 11. J'adore ça, tu peux garder mon tel. Je sais qu'il faut toute l'année. Voilà, je désirais se faire sucer de temps en temps. Voilà, j'ai très très envie. Voilà, c'est le mec au bout à la fin du message, il en peut plus. Hein. Oui, alors oui, j'ai très envie, hein. Tu peux garder mon téléphone. De temps en temps, tu gardes mon téléphone toute l'année, il a dit non. Ouais, lui, c'est un mec dangereux. Je peux garder mon téléphone toute l'année. Lui, toujours au garde à vous, toujours prêt à se faire sucer, là. Ouais, le mec, ça doit faire 10 piges s'il s'est pas fait sucer la bite. Ah ouais, c'est. Très envie de me faire sucer. Mademoiselle Pamela, ouf. Eh ben, c'est avec plaisir. J'en peux plus. Ah bon, on l'appellera peut-être tout à l'heure. Ils abusent trop, même leur voix dégoûte, nous dit Radicane. Lui dégoûte un peu. Salut Radicane du 78, bisous ma chérie. Les gémissements, c'était horrible pour Jules. Voici le deuxième, pour Pamela toujours. Couple Exib cherche pour madame. 06 80 39. Couple exible cherche pour madame. Pour madame. Donc en fait, moi, c'est clair. Si j'ai bien compris, donc sa femme se fait baiser, lui regarde. Ouais, c'est ça. Il se branle à côté. Il se met tous à poil. Il cherche quoi? Il cherche un homme? Il cherche un homme, une femme? Il dit pas, c'est vrai. Ouais, il cherche quelqu'un, je pense. Ouais, bah c'est bon, moi je fais les deux. Homme, femme, trans. Une femme habite. Ouais, voilà. Bah, c'est pour ça qu'il t'a laissé le message, Pamela. C'est parfait, nickel. En fait, tu fais les deux, c'est bien pratique. Double fonction, exactement. On passe au numéro 3. Voici le numéro 3. Bonsoir, mesdames. Offrez-moi votre jet doré au 01 45 41. L'autre, il veut une fontaine. Ah, du jus doré, ouais. Non, jus doré, jet. Jet doré, il veut se faire pisser dessus, lui. Ouais, c'est clair. Votre jet doré. Et lui, il me dit quelque chose, c'est pas un qu'on a vu. Ouais, c'est lui qui disait, je veux être votre bidet. Ah, c'est le même. Et c'est lui qui dit aussi une dame godeuse. Ah, mais en tout cas. Il avait dit notre expression. Il a des idées. À chaque fois, il utilise des bonnes expressions, quoi. Ouais. Oui, offrez-moi votre jet doré. Le jet doré à Delphine qui me dit que c'est quelqu'un qui ressent. Alors, je sais pas si elle parle de celui-ci ou celui d'avant, mais que la voix lui dit quelque chose. Il me semble que c'est quelqu'un qui habite dans mon quartier. T'as de la chance, toi. Tu le salueras pour nous. Si t'as envie de pisser un petit coup, n'hésite pas. Bonsoir, mesdames. Offrez-moi votre jet doré au 01 45 41.

Ah, tu veux que je branle mon copain? Allez, branle-le, ouais. Attends, il va te dire bonjour juste avant. Ok, d'accord. Salut Patrick. Ça va? Ça va, bah écoute, je suis venu spécialement là ce soir. Bah oui, bah tu sais, je suis parti à Genève. Bah tiens. J'étais pas là pour la semaine. C'est pas ça. Bah ouais, moi la semaine dernière j'étais déçu, hein. Bah tu sais, mais je pouvais pas être là. Ouais. Ah, mais tu me l'as quand même bien mise, hein, mon salaud. Ouais, ouais, j'en ai profité quand même, hein. Tu sais ce que c'est. Tu l'as quand même bien baisé, là. Bah alors là, t'imagines pas à quel point, mon Patrick. Ah, mais à quel point, là, ouais. Je le masturbe, là. Hein. Tu le branles bien, là. Ah, bah là, à fond, là. Bah oui. Vas-y, suce-le bien, là. Ah, je le suce. Oh, non, tu... oh, oh, oh, oh, oh. Vas-y, suce-le bien, là. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Bien là. Ah, ouais, c'est bien là, c'était bien. Ah, je vais enfoncer, ah, ouais. Hein. Tu veux, ouais, que je lui fasse quoi maintenant? Bah écoute, moi j'aimerais bien que tu te fasses au domicile. Tout de suite direct, comme ça. Hein? Comme, oh, ça direct. Tu la sodomises direct. Ouais. D'accord, ok, comme ça. Oh, oui. Retourne-toi immédiatement comme une crêpe, ma chérie. Allez, vas-y. Allez. Hop là, oh, je me cambre. Ah. Vas-y, comment bien. Ah là, oh là. Oh, ouh. Vas-y. Ouh, ouh. Tu te bien là. Ah, ah. Oh, bah à fond. Oh, mais c'est tout étroit. Bien à fond, oh. Là. Oh, il a une grosse bite. Une grosse bite, là, bien. Ah oui. Ah oui. Oh. Elle est comment, la tienne? Oh, bah, la mienne, elle fait 21 cm. Là, je suis en train de me branler bien comme il faut, là. Allez, vas-y. Aïe. Vas-y. Vas-y. Tu te bien, là? Ah, bah, là, j'y n'arrête pas, là. Vas-y. Elle ressort par la bouche. Vas-y, vas-y. Aïe. Ah. Aïe. Ah, oh. Ah, ah, ah, ah, il t'encule bien là. Ah oui, à fond. Hein. Bien sûr, suce-le maintenant là. Attends, maintenant. Maintenant là. Vas-y. Il a peut-être allé se laver avant. Vas-y, vas-y, suce-le. Non, mais je ah d'accord, suce-le. Bah, non. Oh, tu as compris, Pamela, je... Pourquoi tu veux pas me sucer, Pamela? Ah, bah t'as. Ah, vas-y, vas-y. Maintenant, ça fait 4 fois que tu vomis. Oh. Vas-y. Ah. Ah. Ah. Oh, Patrick. Oui. Oh. Ah, elle est grosse. Elle est forte, hein. Elle est forte, hein. Ah, mais c'est une. C'est une bonne pipeuse. Oh là là, mais c'est une folle du cul, ah, c'est fou. C'est une, hein, folle du cul, hein. Ah, ouais, regarde, là, elle est partie parce qu'elle est. Vas-y, vas-y. Ah, Patrick, tu me parles mal un peu. Vas-y, vas-y, t'es une bonne salope, là. Ah oui, j'adore. Vas-y, suce-le bien, là. Ah, oh, je le suce. Oh. Vas-y, enfonce bien. Oh. Enfonce bien, là. Oh. Oh. Vas-y, bien à fond, là. Oh. Oh. Vas-y, vas-y. Oh, je vais. Vas-y. Allez, parle-moi mal. Enfonce bien. Oh, oui. Enfonce bien sa bite, là. Ah oui, je l'enfonce, je l'enfonce. Et vas-y, vas-y. Bien à fond, là. Oui, oui, Patrick. Bien à fond, là. Ah, mais c'était bon, Patrick. Ça y est, moi, c'est fini. C'est fini pour toi, ah, là. Ça y est, ouais, mais... Oh. Ah, elle est trop chaude, Pamela. Elle est trop chaude, ouais. Ah ouais, Pamela, c'est une... Ouh. C'est une pute, hein. Ah, c'est ça. Je suis vas-y. Une grosse... T'es une grosse pute, hein. Ah, c'est ça que tu aimes, Patrick, hein. Absolument, ouais. Oui. Il faudrait que je te baise, hein, quand même. Bah, écoute... Bah, faut que tu te répares d'abord, Patrick, bah, hein. Patrick, bah, écoute, moi, c'est quand vous voulez, hein. Bah ouais, oui, mais faut que tu... la bago, hein. Quand t'essayeras mieux, ta voix, bah, tout ça, la bago. Ça va... Ouais, ça va un petit peu mieux, hein. Bah, t'inquiète, ouais, pas, hein. Ah, je pourrais te faire un dada. Ah, mais t'inquiète pas, moi je t'encule comme il faut. Ah, hein, bah j'espère bien. Sans aucun problème. Je ne me déplace pas pour rien, Patrick. Ah, bah attends, t'inquiète pas, là. Ah, je vais prendre ma dose, hein. Si tu viens, là, tu prends ta dose. Ah, bah j'espère bien. Là, tu. Tu me démontes. Ah, ça me démonte, tu sais. Vas-y, ressuce-le, là. Ah, oui, mais là. Vas-y, ressuce-le, là. Tiens, Pamela. Oh, ah, c'est bon, ça, voilà, Patrick. C'est bon, eh bien, écoute, on peut te rappeler dans la semaine, Patrick. Bah écoute, dans la semaine, il n'y a pas de problème, hein. Ouais, oh. Pamela, je lui au revoir. Oh, au revoir, Patrick, je suce. Suce-le, là. Oh, voilà. Suce-le bien, là. Bah, soigne-toi bien, Patrick, hein. Ok, sans problème. Oh, elle est en train de te sucer, là. Non, mais c'est la folie, là. Elle recommence, elle n'arrête pas. Je suis. Suce-le bien. Je suis goulu. Elle recommence. Suce-le bien, là. Ah, je suis très goulu. Je te viens là. Bon. Oui, on va y aller. On va y aller, Patrick. Ok, d'accord. Salut, Patrick. Salut. Ciao, Patrick. Ciao. Au revoir. Yo. La spéciale de Difool, 21h minuit sur Skyrock. La radio libre de Difool, le côté obscur, le côté trash de l'émission de la radio à l'ancienne, comme on kiffe, c'est tous les dimanches soirs sur Skyrock de 21h à minuit. On lâche pas l'affaire, hein. L'arrivée du problème du mois de Romano, un gros problème du mois qui se prépare. Le retour également de Chloé, notre travestie lyonnaise, et juste après le son de Sadek qu'on écoute maintenant. Sadek avec Gradure, le rappeur nordiste, extrait de l'album Nick le Casino. Gros son rap français, Sadek, Gradure, c'est Ondalé maintenant sur Skyrock. Sans réfléchir, je l'ai fait. Je traînais tard le soir, rempli les poches, vider les gobelets. Nickel casino, je les ai fait, changer de croupier. J'étais au Clio, dans les poches, j'avais un féfé. Hein? Bah tu connais. C'est toujours le même putain d'épisode. Ils vont encore faire semblant de nous aimer. Ils nous verront toujours comme des microbes.

Ils auraient pu vous verbaliser, ah bah ils ne vont pas verbaliser. Oh, ouais, les jeunes, on va y aller parce qu'on a le ricard à prendre. Oui. Allez, plus vite, plus vite. Il n'y a pas que ça à foutre. Maintenant qu'on s'est bien rincé l'œil, on va se rincer le gosier. Ouais. Ah ouais, ça donne soif. Allez. Donc toi. Ah ouais, mais c'est la honte. Non, mais se faire choper, ça. Ah non, mais ouais, surtout par les keufs. Ouais, ça devait être. Ouais. Par les keufs, c'est vrai, c'est pas super. Mais t'étais en train d'hurler, mais fort, fort. Ah, mais moi, quand je hurle, c'est... Ah, tu vois, c'est... Ah ouais, vas-y. Ah ouais, quand même, vas-y, continue un peu, ouais, j'ai pas bien entendu. Vas-y, vas-y. Vas-y. Allez, vas-y, ouais. Vas-y. Allez, vas-y. C'est une sirène, quoi. Ah ouais, d'accord, ouais. Et là, on dirait que tu te fais tabasser, ah là. Ouais. Ah ouais. On dirait que tu te tabasses. Ah, tu t'étonnes que les clubs soient venus. J'aime le sexe hard, bien violent, tu sais, avec les fessées et tout, ouais, là. J'aime bien les fessées. Ah, tu aimes bien quand c'est fessé. On connaît, t'inquiète. C'est le Karim adore aussi se faire fesser. Ouais. Non, moi je me fais griffer, moi, man. Ouais. Griffer, toi, c'est ouais, vrai. Griffé. Bon, alors, oui, c'est vrai, donc ça, comme prise en flag, elle est pas mal. Ouais, c'est vrai, pas mal, ouais. Alors, Kenny, c'est Kenny, hein? Ouais, ouais, c'est ça. C'est toi. C'est une mouette. Kenny. Ouais, mais tu cries comme moi, une mouette. Ouais, moi, j'en ai plusieurs, si vous voulez, quoi. Vas-y, dis-nous. Ah, moi aussi, j'hurle très fort, hein. Ouais, non, non, pas franchement, non. Vas-y, Kenny, montre-nous. Vas-y, montre-nous. Je me fais une Ouais, ben moi, je sais pas, quand j'étais dans le début de ma vie sexuelle, que je découvrais la femme, j'avais quoi, 14-15 ans. Y avait les parents de ma copine qui me ramenaient chez moi, on était derrière avec mon ex, quoi. Et moi, ben, j'avais un doigt. Un doigt dans ton ex. Passé, quoi, tranquillou, là, sur le chemin, sur les 15 bandes qui nous séparaient de la maison. Pourquoi sinon, de... après, pourquoi Romano, alors, tu le meilleur, tu... Attends, le juste meilleur, une petite. Ça a été dans une église. Enfin, ouais. C'est pas une église, c'est un peu plus grand qu'une église, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Le Vatican, comment c'est le Vatican, non, ouais. Pas, quand même pas. Ouais, le Vatican, ouais. Je vais au Vatican, j'ai niqué au Vatican, oh. Ouais. Non, mais en fait, il y avait un... On a commencé au niveau de l'hôtel. On a une petite pipe à l'hôtel. Et après, ben, on s'est dirigé à l'hôtel de la prière, tout ça. Ouais, ouais. Ouais, c'est oh, ça. C'est horrible, ça. C'est quoi l'hôtel de la prière? L'hôtel, ouais, c'est où il a le curé. C'est la grande table où il boit le vin, là. Ah, ok. Voilà. C'est le bar du curé. Ouais. Après, ouais. Au confessionnal, on a terminé au confessionnal. Moi, je trouve ça sale. Ah ouais, moi, ça me. Au moment où on est sorti d'église, le problème, c'est que là, il y a eu un quart de touriste qui est arrivé. On s'est dit, heureusement qu'on a fini avant qu'il rentre dans l'église. Ah, surtout, heureusement qu'il n'y a pas le curé qui est arrivé, quoi. C'est clair. Peut-être qu'il vous regardait. Mais sœur Thérèse. Imaginez que sœur Thérèse arrive. Elle arrive comme ça. Ouais. Ouais, sinon, après, nous, notre petit dé. Bah, en fait, c'est pas l'exhibitionniste. C'est juste on le fait quand on a envie, quoi. Oui, bon, ouais, écoute. Mais ça t'excite aussi de le faire dans des endroits genre insolites. Un peu secret, ouais. Bah, c'est qu'à vous dire, je m'en branle, quoi. Pour être très franc, je m'en fous, je le fais quand j'ai envie. Quand t'as envie de baiser, tu baises. Si j'ai envie de niquer, bah, je vais un peu plus loin, je vais aller niquer, quoi. T'as envie, non, mais t'as raison. Je me suis fait choper dans un lac, dans la voiture. Très bien, merci. Ouais, sur une aire d'autoroute aussi, une fois à la nuit, on s'était arrêté. On commence à faire nos petites affaires, les portières ouvertes, et là, on sait pas pourquoi, bah, derrière la grille sur laquelle on s'était calé, il y a une voiture qui est arrivée, phare plein sur nous, là. Bon, ok, on va se rhabiller. Ah oui, t'as arrêté, c'était pas les keufs, toi. Ouais, non, je sais pas. Non, non, c'était des mecs qui venaient mater. Oui, ouais, bon, ouais, il y avait les routiers aussi. Vas-y, continuez, ouais, vas-y, on va se branler, nous. Vas-y. Et alors, attends, on va prendre Emmanuel, lui, Emmanuel, lui, c'est au bahut. T'es là, Emmanuel. Ouais, c'est ça. Vous m'entendez bien, là? Ça est nickel. Ouais, ah, c'est bon. Alors, toi, t'as fait ça où, au bahut? Dans la cantine. Oh non. Bon appétit, bien sûr. Il lui a dit chapeau. T'as entendu ça, ouais. T'es fort, chapeau. Tu as les félicitations. Les gars, ils ont boire de l'eau, ils ont bu du foutre. Ah le bâtard. Oh. Mais t'as fait ça avec qui à la cantine, toi, Emmanuel? Bah avec ma meuf, on est parti. On a séché les cours. On est parti dans la cantine. La cantine elle avait déjà fermé. Ouais, tu t'es dit ça va être un endroit oui, tranquille. C'est mieux, oui, dans ces cas-là. Ouais. La cantine avait déjà fermé, en fait on a failli se faire cramer parce que le chef il est rentré à ce moment-là. Ah, on s'est caché, en fait ils ont une grande armoire géante en fait qui fait genre chambre froide, plus de 2 mètres, fait 2 mètres de haut quoi. Ouais ouais, un truc tu peux rentrer entier dedans quoi. Voilà, c'est ça. Et ben nous on s'est mis là-dedans, on s'est caché là-dedans jusqu'à ce que le chef il parte. Bon, le problème c'était la chambre froide, on a oui, fini. C'est ça, oui, le lendemain ils nous ont retrouvés mais on était en glaçon. Gelé quoi. C'est comme dans les films, en fait, tu sais, quand t'as l'amant qui arrive et que ouais, il se cache, dans un placard, il passe la nuit. Chapeau, ouais. Chapeau, écoute. Et donc, et il manque Dylan aussi, témoignage de Dylan. Et on a la réponse au problème du mois. Dylan de Cannes. Voilà. 22 ans, t'as Dylan, toi. Hein. C'est ça. Alors, dis-nous, t'as fait ça au BU, toi, ou non, pas du tout? Alors, non, moi, c'était le mois dernier, mais j'ai 22 ans et on a fait ça dans un collège. Et le collège dans. Je cherchais ma meuf. Ah, t'es retourné dans ton collège? Ouais, je suis retourné dans mon collège. C'était un fantasme, ça te manquait. Et du coup, voilà, on avait une fenêtre ouverte et on est rentré.

Et toi, t'es qui, toi? Non, je ne vois pas qui vous êtes. C'est vous qui m'appelez, hein? Eh, hey, moi, je t'emmerde. Oui. Ben, moi, je suis Patrick, hein. Ah, ben, le nom de famille. Moi, je t'emmerde, moi, connard. Oui, ben, moi, je connais pas de Patrick. Alors, à mon avis, il y a une erreur sur le numéro, hein. Allô? Qu'est-ce que tu appelles chez moi, toi, pauvre con? Il y a pas... Moi, je connais pas... Dis-moi où t'habites, j'arrive, moi. Bah, devine. Ah, oh, bah, je sais pas, c'est 2000 ans, moi, j'adore ça. Non, mais t'es pas normal, toi. Oui, bon, bah, si vous avez que ça à dire, c'est pas chez moi, vous faites erreur de correspondant. Ça suffit. Mais j'appelle pas chez toi, c'est toi qui appelle chez moi. Tu me feras une pipe au champagne. T'es pas normal, toi. Oh, putain. Allô? Oh, le bordel. Connard! Allez, c'est parti. Allez, ils sont tous partis. Mais la voix qu'il a, oh, bordel. Lui, énorme. Et là, non, mais puis à l'autre, elle comprenait rien. C'est clair. Il comprenait rien. Il avait l'impression que Patrick, il était avec sa femme. Complètement là. Et là, on va où? Là, on va chez deux particuliers. Ah, deux familles. Attention, retour aux familles. On mélange tout, c'est la folie, quoi. Ben, je vous ai dit, c'est pour la folie. Pour l'instant, j'en prépare d'autres. Tout peut arriver. Vas-y. Ouais. Et merci pour tous les numéros que vous nous laissez, les gens qui bossent et tout. On a le frère d'Amandine, là, qui est en train allô de. Ah, c'est. Attention. Oui. Allô? Allô? Allô? Oui? Oui, qu'est-ce que c'est? Qui c'est? Vous êtes qui? On vient de téléphoner, oui, alors, je sais pas. Allô? Oui. Allô? C'est quoi ce bordel, là? Je vous ai pas appelé, monsieur, je sais pas. Message. Moi, j'ai un appel, on m'appelle, je réponds. Bon. Alors, excusez-moi. Mais qui c'est? J'appelle personne, moi. Écoutez, monsieur, moi, mon téléphone sonne, je décroche. J'ai pas appelé personne, c'est vous qui avez reçu l'appel. Alors, j'y comprends rien. Si c'est pas vous qui avez appelé, je comprends pas, hein. Bah, rien du tout, c'est vous qui avez appelé. Mais ils sont que t'en veux. Non, non, non, quand t'es des conneries, monsieur. Vous voulez que j'appelle les flics, là, ça commence. Je ne vous ai pas entendu. Non, mais dis donc. Mais qu'est-ce que c'est ce bordel, là? Bah, écoute, essaye de répondre, c'est un connard qui n'arrête pas de m'emmerder, là. Bah, j'en sais rien, il m'emmerde, ce connard. Oui, allô? C'est quel sujet? J'appelle personne, moi. Écoutez, on va voir si c'est pas une erreur. Voilà. Non, mais c'est, mais ça s'arrange pas. Oh, bah, ça s'arrange pas. Salut pas. Les filles. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Ah, bah, allez, raconte. Ah, bah, voilà, terminé. Bon, Cédric est terminé. C'est la spéciale du dimanche soir. Avec le meilleur de Difool sur Skyrock. Et terminé pour ce soir. Une fois de plus, on a profité de ce dimanche soir pour se faire les moments les plus dingues de la radio libre de Difool. Toute l'équipe a retrouvé en direct demain soir à partir de 21h. Le morning aussi. Demain matin, 6h-9h avec 1 500 € à gagner. Toutes les 30 minutes, il y aura le réveil de star à pas louper à 6h15, 7h15 et 8h15. Les conseils pas chers de Romano à 7h-20, 8h-20 et 9h-20. Votre horoscope de l'amour, vos iPhone 7 et vos PlayStation 4 aussi à gagner. Ça sera à 6h20, 7h20 et 8h20. Des dédicaces qu'on m'a demandé de passer. Une dédicace Yacine, le poteau Yacine, fidèle auditeur de Skyrock, qui fait une dédicace à sa chérie Soumaya qu'il aime. Christopher aussi, le Lensois, voilà, fidèle avec son frangin Aurélien. On leur fait une grosse dédicace, un gros big up à tous les twittos qui ont poussé l'émission pendant toute la soirée comme des malades avec le hashtag la spéciale de Difool. Il y a Otine qui est encore là, Léo du 84, je pense à Jules du 02, les fidèles, les habitués, les nouveaux auditeurs également. Pour terminer, j'ai des places de ciné à vous offrir. Don't Brief, la maison des ténèbres. Ça sort mercredi avec Skyrock. Il y a des invites à gagner maintenant. Les toutes dernières, vous les voulez, vous me laissez simplement votre prénom et votre numéro de téléphone. Vous pouvez passer par la petite enveloppe qui est tout en haut à droite de l'appli Skyrock. Allez-y, c'est gratos. Un prénom et numéro de téléphone par SMS aussi. Le 41 7 5 9. Alors laissez-moi quelques minutes, hein. Je pense que je vais prendre une heure pour appeler un petit peu tout le monde. Donc voilà, gardez votre téléphone et décrochez quand je vous rappelle tout à l'heure. Prénom et numéro de téléphone au 41 7 5 9. Voilà, terminé pour ce soir. On laisse l'antenne à Fred et DJ Case. Tiens, il y a le nouveau Jules. Il y a Jules, il y a Tikita que Fred et DJ Case vont vous passer dans quelques secondes. Je vous laisse avec Fred et DJ Case. C'est parti pour High Supreme, l'émission High de Skyrock. Bonne nuit à tous. High Supreme. Minuit. 2 heures. DJ Case, ambiance avec tous les sons du moment sur Skyrock. Are you ready? Oh,